J'ai senti un truc, je me suis demandé ce que c'était. Je viens de vivre un truc absolument dingue. Oyez, tas de bâtards! Je vais chier sur la moquette. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère! Si vous aviez l'un, vous aviez l'autre, le vagin et le pénis. Flaubert, Adrien Méniel. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast. Il s'agit du 14e. C'est le 14e là ? Absolument. 14e numéro de Floodcast. Alors pas vraiment comme à l'accoutumée parce que là il y a du monde. Là ce soir il y a du monde. C'est Noël. Faut savoir que les gens là ils écoutent. S'ils écoutent le jour même, c'est un peu triste, mais c'est le 25 décembre donc ils écoutent ça le jour de Noël. Pas très sympa pour les gens tout seuls. Non mais bon, oui, ou les gens qui ne fêtent pas Noël d'ailleurs. Peut-être ou des alors, gens dont toute la famille est morte et qu'on pas besoin qu'en plus on les accable. Qu'on leur dise ah bah dis donc on est tout seul. Bah oui j'ai pas le choix. Oui non mais enfin, après, je pas de moi. Non t'imagines. T'imagines gens, complètement, oui, voilà. Non, bah, ça va, j'ai encore des gens vivants. Oui, bon, super. Oui, et puis peut-être vous prenez la voiture pour rentrer chez vous, parce que voilà. Bah, on bosse le 26. Le 26, faut bosser. Donc, je vais faire un petit tour de table. Nous sommes avec Queen Camille. Oui. Ouais. Ça va. Alors, m'applaudissez pas, je suis essentiellement venue boire du champagne et manger des marrons glacés. Oui, c'est vrai, on peut le dire. Queen Camille, tu n'étais pas spécialement invitée, hein, sans aucune. Non, je m'en suis chargée moi-même. Donc, du coup, tu partageras un micro avec ta collègue à ta gauche, dont on dira le nom plus tard. D'ailleurs, on peut le dire, tu n'as même pas de casque. C'est terrible. Comment tu vis? Je suis sincèrement désolée. Je vous regarde danser pendant les jingles et j'essaie de vous. De me caler sur le rythme. Tu es agenouillée sur de la paille aussi, on peut le dire. Il n'y avait pas de chien. Je suis sincèrement désolée de cet accueil. Peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Moi je suis journaliste sexo chez Mademoiselle et j'ai une chaîne YouTube où je réponds à toutes vos questions de la sexualidad et il y a fait des blagues aussi également. Et des accents. Et des accents. Je pense que c'est très espagnol le sexe à chaque fois. Toujours. Oui, mais toujours. Rarement. C'est la base. Parfois allemand. Vrai. Parfois allemand. Ah, oui, quand t'es un peu plus vénère. Quand tu te fais chier dans la bouche. Ouais. Comme ça. Nous sommes également avec Kalindi Rumpel. Oh, putain, je savais que quelqu'un allait chier mon nom. J'ai réussi le nom de famille. Je pensais pas que ce serait toi. Ouais, tu vois. Non, je suis désolé. Je me suis mis une pression de ouf et du coup j'ai bégayé. C'est comme l'oral d'anglais. Kalindi, peux-tu te présenter pour Bien les gens sûr. Qui ne te connaissent peut-être pas? Je suis Kalindi. Je suis journaliste cinéma et série chez Mademoiselle. J'ai fait également des vidéos sur YouTube qui ont malheureusement été un désastre en termes d'audience. Du coup, j'ai arrêté, j'ai cessé très rapidement et je fais aussi partie d'un podcast dont Camille elle-même fait partie, elle a oublié de le dire, qui s'appelle Laisse-moi kiffer. Probablement l'un des meilleurs podcasts français où on raconte pas mal de conneries et on a toujours la moitié des infos. Voilà. Ça, j'aime bien. Nous sommes également avec Amaury Mag. Bonsoir à tous. Je viens de me rendre compte que tu t'appelles Magne et t'es arrivé en retard. Et bah ouais. T'aurais dû te manier. Et bah ouais. Moi je l'applaudis parce ça que va durer non, mais deux heures. C'était pas mal. Parce que vous êtes chaud. Amaury, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Et bah écoutez, à part avoir un nom où tu peux faire des super vannes dessus, je suis acteur, scénariste, voilà, notamment chez Golden Moustache. C'est une chaîne YouTube avec mon compère Quentin Thiriot. Qui viendra en janvier, je tiens à le dire. Il viendra faire un petit podcast avec nous. Spécial reggae. Ouais. Ah, il va parler de son groupe. Ah, j'ai hâte de l'écouter. Et voilà. Et je fais des vidéos, notamment sur une plateforme qui s'appelle YouTube. Je sais pas si vous connaissez. Oui, bien sûr, le site. Exactement. Ouais, le site web. Et voilà, également une appli. Ouais. Oui, c'est vrai. Et il faut avoir internet déjà. Pour oui, il faut avoir une connexion. C'est sur le web. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, je me permets, hein, mais YouTube, s'il y a un abonnement qui est possible, qui s'appelle YouTube Premium, pour regarder sur lequel une série. On peut voir des séries genre écrites. Groom, par exemple. Bah, c'est marrant que t'en parles. Non, mais parce Groom que voilà, est une série présente. Et bah, tant qu'à faire, on va passer tout de suite à la rubrique de ce qui m'a plu. En fait, j'ai une série qui s'appelle Groom, qui est notamment écrite par Florent Bernard et Adrien Méniel. Et j'ai trouvé ça. Ah oui, c'est vrai qu'on a fait ça. Pas mal. Ah, mais c'est vous. J'avais zappé. Entre autres. On s'est bien renseigné. L'épisode 8 et 9. Oui, alors dans lequel tu apparais. Exactement. Oui, c'est vrai que tu es très bon dedans. Tu joues le beau gosse. Voilà. Ouais, on peut le dire. Mais... Oui, mais un peu fragile. Beau gosse, un peu fragile. Oui, Ryan beau gosse, Gosling. Surtout habillé en mec de footlocker, tu vois. Donc, oui, c'est vrai, vois, c'est vrai qu'il y a un peu bah ça. Oui, c'était clairement ça. À mon avis, elle l'a chopé là-bas. Mélo Coco. Nous sommes également avec Jean-Baptiste Toussaint. Yes. Pourtant c'est Noël. Jean-Baptiste. Que des noms, que des blagues sur le nom de famille. J'espère que vous êtes chaud. Jean-Baptiste Toussaint, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Ouais, je m'appelle Jean-Baptiste, je suis photographe et j'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Telle Forme de Clic, le nom le moins simple de la plateforme. C'est vrai. Quand je rencontre des gens en soirée et que je leur dis le nom de la chaîne, je suis sûr qu'ils iront jamais le lendemain. Parce que c'est en anglais déjà. Allez, base, français, ils parlent pas anglais. À la base, tu devais t'appeler Internet, rappelons-le, qui est encore plus relou en termes de référencement. Et voilà, donc c'est une chaîne qui parle essentiellement de cinéma. Et puis voilà. T'aurais pu t'appeler le petit ciné de JB. Ah, c'est pas mal. C'est pas vrai, j'y ai pas pensé, c'est fou. Ou allons au cinéma. C'est les amis, merci beaucoup. JBMA. Bah, tu arrêtes. Moins bien. Nous sommes, eh bien, écoutez, en plein Noël. Voilà. Il y a moi aussi, je suis là, mais. Ouais, mais on le savent, on t'entend. Oui, non, mais c'est juste pour dire, on sait jamais. Non, attends, tu me laisses introduire. Florent. Tu me laisses introduire. Adrien. Titre. Vas-y. Oui. Nous sommes. Ça va être long. Vous le connaissez. Oui. Je laisse un petit silence. C'est horrible. Le sniper. Adrien Méniel. Tu me présentes à chaque émission et là non. J'ai clairement envie d'applaudir. Non mais tu me présentes à chaque fois et là non. Je vais être sincère avec toi, j'ai oublié. Bah voilà. Adrien, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Oh bah moi je suis voilà. J'ai pas vu de blague. Je suis bourlingue un peu. Ouais, je bourlingue, je suis un bon vivant. Voilà. Bah non mais. Je crois que t'es touche à tout. Je déteste le terme couteau suisse. C'est touche à tout. Ça voudrait dire que tu fais tout un peu moins bien. Multicasquette, ouais, c'est pas mal. Tu t'es fait tout seul aussi ou pas? Je me suis fait tout seul. Exactement, à la sueur de mon front. Est-ce qu'on peut dire bosser, quoi. Les gilets jaunes là, mais bosser en fait au lieu de gueuler. Oui, d'ailleurs, voilà. C'est un spécial gilet jaune, on vous a pas pris, les gars. C'est pas visuel, mais on a tous un gilet jaune. Ouais, c'est exactement ça. Est-ce que du coup, on peut connaître les blagues qu'il y avait sur le nom Méniel à l'école primaire? Alors, bah, en fait, à l'école primaire, y a la tolérance à la blague est assez lâche. Du coup, Adrien Méniel, donne-moi du miel. C'est pas mal. Méniel, la poubelle. Ah, ah, tant que ça rime, c'est bon. Il n'y a pas grand-chose à faire. Ménielas, à la rigueur. Ménielas. Ouais. J'aurais plutôt dit Ménielos. Ça sonne un peu. Mais pourquoi Ménielas? C'est quoi le. Ménélas. Non, ouais. Ménélas. Ménélik, peut-être. Le rappeur. Ménélas, personne, oui, personne. Il s'appelait Ménélas. C'est qui? Je sais plus. Oui, personne. Un peu vague. Non, mais on cherchera, mais c'est une personne. Oui, d'accord, d'accord. Il y a Ménélos, le dieu. Oh, oui, Ménélos, aussi. Ça va, Ménélos, ouais. Ménélik. Ouais, moi j'ai Ménélik, mais. Le roi Ménélas. Ah, d'accord. Ah oui, le roi. Nous fait. C'est le maître Éolas, c'est un avocat. Oui. Très féru de Twitter. Il adore tweeter. comme à l'accoutumée, on va faire un petit tour de table pour partager avec le peuple de France et d'ailleurs ce que vous avez apprécié culturellement parlant. J'ai envie de commencer par Camille. Pourquoi? Bah, parce que c'est un piège. Parce que tu m'as dit hors antenne, j'ai pas pensé à quoi que ce soit, parce que je n'avais pas prévu de venir il y a deux heures. Je n'ai pas pensé à la culture de tout 2018. Est-ce que tu as quelque chose en tête? Oui, j'ai adoré en 2018 le podcast Riviera Détente, que je ne connaissais pas, car je connais tout après tout le monde en général. De Henri Michel, avec Patrick, qui est un podcast enregistré sur la Riviera, au cœur de la Riviera, à Grasse, dans une cave, avec des personnes extrêmement drôles, et ce qui en fait un contenu de qualité que je vous recommande d'écouter depuis l'épisode 0, car les private jokes sont nombreuses. Oui, vraiment, c'est ça. Il faut vraiment dès le début, parce que sinon, t'es perdu, en fait. Exactement. Voilà. On rappelle qu'il méprise le Floodcast. C'est un peu vrai. Ouais, c'est quoi l'histoire? Non, mais y a pas d'histoire. C'est juste qu'il fait des vannes et mais on s'en fout. C'est beau. Tu sais, moi, je suis pas du tout un haineux, donc on va vite passer à autre chose que ta recommandation de merde. J'aurais préféré venir dans ton podcast, Henri. Kalindi. Oui, alors en revanche, ça va être un peu plus long. C'est pas grave. Ah bah non, on a tout notre temps. Ah bah super. On a tout notre temps. Tout le monde est sur son téléphone, du coup, je non, sais pas moi, vraiment je si j'ai l'attention. Je pense qu'ils sortaient, leurs recommandations. Excusez-moi. Oui, vous êtes très peu préparés. Ils ont été élevés que par des porcs. Moi, ma recommandation, c'est un film qui sort le 9 janvier, qui s'appelle Border, qui est un film d'Ali Abbasi, et que j'ai découvert il y a quelques semaines, et qui est une tuerie atomique. C'est donc un film suédois, mais réalisé par un Iranien. Et en gros, c'est l'histoire. Avec Clavier. Ça qui est très surprenant, c'est Clavier le héros. Une famille de Suédois qui arrive chez lui. À bras ouverts. C'était l'accent suédois. Okay. Non, tu t'as pas vu À bras ouverts, ce chef-d'œuvre du cinéma. Si, avec Harry Habitant. Tout à fait. Ouais. Qui joue. On adore. Ouais. On adore Harry Habitant, surtout quand il joue un Roumain. Et Je pitch rapidement. Je t'en prie. Alors, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Eva, je crois, mais je suis plus sûre. Peut-être Linda, enfin quelque chose comme pour ça. Quelqu'un qui veut pas qu'on écorche son nom. Et en gros, c'est une jeune femme qui travaille à la douane en Suède, dans un aéroport. Et en fait, elle a un talent particulier qui est que elle arrive à sentir les émotions des gens, mais vraiment. C'est-à-dire, elle arrive à sentir la culpabilité, la fragilité émotionnelle, enfin voilà. Et elle sait dire quand quelqu'un cache quelque chose. Donc c'est pour ça qu'elle est à la douane, tu vois. Elle peut dire lui, il elle est mentaliste un peu quoi, genre. Un peu comme ça. Fabien Olicard. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est Fabien Olicard. C'est un peu ça. Excuse-moi, tu viens de bailler, tu mens. C'est un mensonge. Ah, c'est un mensonge, tu viens de bailler, tu mens. Ouais. Pardon, excuse-moi, quelle idée. Voilà, j'ai pas su. Ouais, il faut, on est souvent interrompu, il faut c'est savoir. Des blagues. Oui, pardon, on est horrible. Pardon, putain, moi j'étais sur un fil rouge et pardon, je suis désolé. Alors, je sais plus où j'en étais. Elle sent, faut dire, c'est un film qui flirte un peu avec le fantastique. Et donc, du coup, un jour, elle voit. En fait, il faut préciser qu'elle est très laide. Mais objectivement très laide, tu vois, elle ressemble à un australopithèque. D'accord, ça a une importance dans le film. Tout à fait, bah oui, bah sinon je dirais pas tes... Ouais. Voilà. Non mais comme c'est long, je me dis peut-être que tu dis des trucs pas... Tu le détestes déjà, le temps est m'insupportant. Non, la question... Il fait un double fait. Je reprends... Attends, je veux juste savoir, est-ce que le personnage principal dit qu'elle est laide ou quelqu'un lui dit qu'elle est laide? Alors, elle le dit elle-même, tout le monde le lui dit, et elle a souffert. Non mais attendez, vous allez comprendre. Toute sa vie, elle a souffert du fait que tout le monde lui disait qu'elle était hyper laide et que tu vois, tout le monde se moque d'elle en permanence. Okay. Et en fait, un jour, donc, à la douane, elle voit arriver un type qui lui ressemble, une espèce de type aux airs d'australopithèque extrêmement, extrêmement étonnant. Et elle tombe amoureuse de lui. Et en fait, je peux pas vous révéler le twist de l'histoire, mais en fait, ils ne sont pas des êtres humains comme vous et moi. J'ai cru que t'allais dire ils ne sont pas australopithèques. Je comprenais pas vraiment le délire, mais ouais. Et c'est un film extrêmement joli, extrêmement surprenant. Comédie ou pas du tout? Pas du tout. Ouais, assez dark en fait. D'accord. Et hyper intéressant, qui est très original et que j'avais jamais vu un film comme ça de ma vie. J'étais subjuguée de A à Z. Ça sort le 9 janvier. Ali Abassi, le réalisateur. Allez-y en masse. Ça sort en France. Ça sort en France. Et d'accord. J'ai peur que tout le monde se rue pas pour aller voir ce film. Donc merci d'aller le oui, voir. Quand tu le pitches, ça sonne un peu MK2. Je sais pas si il y aura un nombre. Non mais tu vois. Non, ça sonne cinéma des cinéastes, tu vois. Oui, voilà, carrément. Voilà, plus oui, donc on est sur une sortie restreinte peut-être en France, peut-être pas beaucoup de salles, mais donc c'est peut-être pour ça. N'hésitez pas à soutenir. Du coup. Okay, voilà. Donc, comme n'hésitez d'hab, les gens de Saint-Etienne ne vont pas aller le regarder, ça m'énerve, ça me tue. Bah, les gens de Saint-Etienne. T'es de Saint-Etienne. Ouais, je sais. Oui, bah Saint-Etienne, ça va. Vous avez le film avec le Transformers, c'est pas mal déjà. Ouais, ouais, le problème c'est qu'on a que ça. Oui, bah oui, mais depuis 10 ans, ça fait beaucoup trop. Oui, c'est peu. Ouais, je suis d'accord. D'accord. Voilà, non, mais ça vous a plu ou pas? Mais ça, en vrai, ça m'a donné envie. Je sais pas si j'ai assez bien pitché. C'était très bien. Non, enfin, je sais ce qu'il faut dire pour convaincre les gens d'y aller. Parce que tu as omis de dire, et ça ne transparaît pas dans le pitch, que c'est un film qui aborde finalement le thème assez universel de la peur de l'autre et de la peur de la différence. Oh, mais j'ai pas dit ça, putain. Tu vois, je fais mal mon travail. Mais on l'a un peu senti. Là, je vais me ruer. Là. Je me rattrape. Ce film est une superbe métaphore de la xénophobie. C'est très, très beau. C'est très délicat. C'est très sensible. C'est très humain. C'est vraiment humaniste même, tu vois, je dirais. Donc vraiment, foncez-y. Et en fait, ça va vous décontenancer. Moi, j'adore qu'on vienne me choper en tant que spectatrice et qu'on m'emmène dans des contrées que je connais pas, tu vois. C'est un truc horrible. Qu'on me tabasse en fait au ciné, j'adore ça. J'aime qu'on me violente. Non, mais tu vois, c'est un peu ça. Et en fait, derrière moi, il y avait une nana, parce qu'il y a des scènes sexuelles qui sont assez, en fait, qui sont assez inédites, tu vois. Crues, inédites, vraiment, parce que, en fait, ils ont pas les appareils génitaux qu'ils sont censés avoir, tu vois, c'est très étonnant. Tu spoil un peu là. Non, mais c'est bon, c'est les 15 premières minutes. Je vais pas dire le twist, mais ils ont des appareils génitaux. Non, c'est pas ça le twist, putain. C'est pas ça le twist. Tous les appareils génitaux sont interprétés par Harry Habitant. Qui fait l'accent roumain. Bah, c'est son meilleur rôle. Quoi ? Et la nana derrière ? Et la nana derrière, oui, il y avait une journaliste derrière moi qui disait « Putain, mais c'est dégueulasse, c'est dégueulasse !» Et c'est ce que j'ai aimé, tu vois, j'ai senti que les gens qui étaient à cette projection avaient été décontenancés, tu vois. C'est toujours moins dégueulasse que de parler au cinéma. Exactement, je suis bien d'accord avec toi. Fermez vos gueules au cinéma, voilà. Alors, est-ce que c'est un film coup de poing? Parce que j'aimerais être critique et c'est le seul terme que je connais. J'aimerais savoir, parce que je vais m'annoncer sur YouTube, du coup. Écoute, c'est très drôle que tu dises ça, parce que dans la critique que j'ai écrite, je dis que c'est un film coup de poing et je déteste ces putains de critiques qui disent toutes les deux secondes que c'est un film coup de poing. Là, pourquoi c'est coup de poing? Parce que ça fait mal. C'est vraiment. Aussi. Tu souffres presque pendant le film tellement t'es dérangé, tellement on t'emmène dans des trucs où tu te dis putain, en fait je suis pas bien, je suis là, je sais pas si je kiffe. Oui, ça fait un coup de poing. Et c'est ce que j'aimerais ajouter, c'est que je suis sortie du film en me disant que j'avais trouvé ça génial, mais je sais pas si j'ai aimé ce film. Ah, tu vois? D'accord. Et je pense que c'est intéressant. Très intéressant. Voilà. Est-ce que tu as envie de le revoir ou pas? Moi, je trouve que c'est le truc, des fois tu adores un film et t'as pas envie de le revoir. J'irai le revoir pour peut-être capter des trucs que j'ai pas, tu vois, dont j'ai pas eu la subtilité tout de suite. Très bien. Voilà. Et bah, écoutez, allez-y le 9 janvier. Okay. Voilà. En résumé, pas ouf. Amaury, qu'as-tu en tête, jeune freluquet? Alors, me permets. Tu peux. Il y a un livre que j'ai lu là il y a pas longtemps qui est sorti en 2012. Donc, Bigleux déjà. Voilà. Pardon. Exactement. Qui s'appelle Carou de Steve Teichich. Et j'ai trouvé ce livre. Carou. Oui, Carou. Carou. K-A-R-2-O. D'accord. Voilà. Parce que c'est le nom du personnage principal. Okay. Tu veux dire Harry Potter? Exactement. Non, c'est ça. Exactement. Ouais, c'est ça. En gros, l'histoire, c'est un script doctor qui est complètement fumé. Il boit, il est hyper cynique. Et en fait, à un moment donné, on lui Doctor House. Ah ouais, ça doit être ça sur TF1. Ok, c'était audio description. Ah putain, je savais. Et en fait, j'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un script doctor qui est là, qui a plus trop de taf. Et en fait, on lui demande à un moment donné de reprendre un film pour essayer de le sauver. Le problème, c'est que tout le monde lui dit que c'est une merde et que personne n'arrivera à le changer et à le bouger. Sauf que lui, quand il regarde ce film, il trouve ça brillant, il trouve ça génial et il tombe amoureux dans le film d'une actrice qui est nulle à chier, mais il la trouve particulièrement belle. Et donc, du coup, il va se mettre en fait à la recherche de cette actrice. Et voilà. Flaubert, pardon. Adrien, moi c'est Adrien. Adrien, il est chiffon là. Non, mais juste, c'est un script doctor qui intervient sur les films une fois qu'ils sont tournés, en fait, apparemment. Oui. D'accord. C'est pas banal. C'est-à-dire qu'il est en montage. Il est en montage. Il faut savoir que les scénaristes s'en branlent normalement. Donc c'est fou qu'il y ait une histoire là-dessus déjà. Ouais. c'est hyper, hyper cool. Et là, apparemment, ils aimeraient faire l'adaptation donc avec Gérard Depardieu. Oh. Donc voilà. Et j'ai trouvé ce livre très très bien. Comment l'orthographies-tu pour nos amis qui voudraient le googliser? Alors, Carou, je l'ai déjà dit. Pardon, excusez-moi. K-A-R. Désolé. J'écoute pas. J'écoute Riviera détendre depuis tout à l'heure en fait. Pardon, j'écoute pas du tout ce podcast de Steve Teichich. Excuse-moi. C'est vraiment très bien. Et aussi la dernière saison de 10%, vraiment, qui est une série française. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu dodelines? Je trouve que c'est la moins bien, moi. Mais la dernière saison, ouais, pourquoi? Pardon, parce que mais les autres sont mieux, je trouve. Mais non, non, mais pardon, y a pas mais de problème. La scène où elle dit mon client, vous allez le prendre sur mon film, s'il vous plaît. Ouais, j'en mets cette scène. Bien. Non, mais je l'ai trouvé bien, mais j'ai trouvé que c'était la moins bien des trois. D'accord. Et toi, pourquoi l'as-tu apprécié, Amaury? Parce que normalement, on dit pas ce qu'on aime pas, on dit ce qu'on aime, Adrien. Après, moi, j'ai rien. Quelle ambiance, Adrien? Encore une fois, on m'a demandé c'est mon Noël, avis, Adrien, je l'ai donné, j'ai pas dit. Parce que j'ai déjà. C'est nul. Je regarde peu de séries françaises, en fait. Et là, j'avoue que pour une fois, dans une série française, t'as une écriture super bien dirigée, une réalisation qui est vraiment très cool. Et je suis désolé, Camille Cotin est géniale dedans. C'est un bien sûr très grand comédien. Bijou, quoi. Disons que 10% quand même bénéficie grandement du fait qu'au Royaume des Aveugles, les Bornes sont rois. Et oui, effectivement, les séries françaises, c'est de la merde. Donc, il y a un truc gros, un peu bien. Sur YouTube Premium, je suis content que tu nous balances une expression comme ça. Parce que ça, voilà. Mais je la trouve hyper bien écrite, quoi. La dernière saison, je trouve qu'ils ont fait quelque chose de vraiment bien. Ils ont su développer le personnage d'Hicham, le patron de l'agence. C'est vrai qu'il est bien. Je le trouve génial. Ouais, on le déteste dans la saison 1, mais je trouve qu'on arrive à lui donner de l'empathie. Je trouve ces acteurs brillants. Si on le déteste, c'est qu'il est bien écrit. Non, mais personne n'a dit l'inverse, Adrien. Mais non, mais je sur la défensive. Parle aux gens qui nous écoutent. Aucun esprit de Noël. Hein. Donc voilà, j'aime beaucoup cette série. Et ce qui est très. Alors je sais pas, moi j'y connais rien du tout en chronologie média, mais ce qui m'a surpris, c'est que genre 2 semaines après la diffusion sur France 2, c'est sur Netflix, quoi. Ouais, exactement. Donc, c'est fou. C'est très, très ça cool. M'a surpris même. Parce que déjà personne n'allait sur Plus. Non, parce qu'il faut s'inscrire. Non, mais les replays de chaînes de télé, c'est insupportable. C'est infâme. Moi, ma meuf regarde Danse avec les stars. Si, j'adore. Mais elle les regarde en replay. Et putain, faut s'inscrire sur Facebook. Ouais. Ensuite, t'as 16 pages de pub qui ne bug pas. Ensuite, le programme bug. Les, voilà. Ouais, et les pubs sont longues. Non, mais c'est long. Et c'est tout le temps la même en boucle. J'ai pas de pub moi sur. Ah, moi sur les replays j'avais des pubs. Bah, peut-être t'as mis. T'as pas. J'ai un bloqueur de publicité. Moi, et ça télé, fonctionne oui, sur le site de TF1. Oui, moi je regarde sur la Freebox. Tu regardes sur la Freebox. Attends, parce que moi la technologie. Non, mais moi je le regarde sur la télé. Sur la télé, tu peux cliquer sur un truc de ta box et du coup t'as le replay sur la chaîne en fait. Ah non, moi je vais sur internet. Ah oui, non, nous on regarde sur la télé, c'est pour ça. Et là tu regardes. C'est quand tu regardes directement sur ta télé, c'est infâme. Et c'est tout le temps la même pub en boucle. C'est ça qui est fou, donc c'est vraiment insupportable. Et j'ai une blague de cinéphile. T'as vraiment. Tu vas adorer. T'as vu Alien? Je l'ai regardé en replay. Ah, elle est magnifique. C'est une des plus belles. C'est validé. Oui, c'est validé. Ouais. Ouais. Jean-Baptiste, peux-tu nous partager avec nous une recommandation culturelle que tu as appréciée récemment? Yes, bah du coup, je me suis dit que j'allais peut-être faire ciné, rapidos, ciné, littérature. Franchement, ne t'inquiète pas, on est à la cool. J'étais très inquiet. Tout est gratuit. Du coup, ouais, film. Parle moi, bien dans ton micro, vraiment, ce que j'ai préféré cette année, c'est Phantom Thread, on en parlait tout à l'heure, de Pity Anderson. Hors antenne, mais oui. Okay. Film extraordinaire. En musique, l'album de Current Joys, un mec qui s'appelle Nick Rattigan. Il n'y a aucune chanson achetée dans l'album, c'est assez incroyable. Rattigan, il s'appelle Nick Rattigan, c'est pas mal. C'est dans Fievel, le méchant s'appelle Rattigan. Exactement, non ouais. C'est le voilà. Gros rat. Ratigan. Ouais, aussi dans Basile détective privé. Ah, c'est ça. Moi j'avais c'est plutôt ça la ça, oui. De Basile. Ouais. C'est pas Fievel, c'est Basile. Exactement. Fievel, c'est, voilà. C'est le. Ratigan, tu es le grand génie du mal. Oui. Exactement. Merci. C'est bon. Je pense qu'on va plus dire ça parce que. Merci. Ouais. Quand je pense que quand tu vois, t'as dit cinéphile, tu t'es tourné vers JB et moi pas du tout. Alors que tu vois, je viens de prouver. Oui, après je peux pas me tourner vers deux personnes à la fois. C'est humainement impossible. En littérature, une BD d'un type qui s'appelle Adrian Tomin, qui s'appelle Killing and Dying, que j'aime beaucoup, qui est aussi entre autres dessinateur pour le New York. Et c'est vraiment un type de grand talent. Ces BD, c'est un peu comme des petites nouvelles, on dirait un peu du Jim Jarmusch, c'est vraiment très beau. Et enfin, ce qui m'a peut-être le plus marqué cette année, c'est le stand-up de Adam Sandler, 100% Fresh. Magnifique. Sur Netflix, que j'ai trouvé incroyable, j'ai déjà vu trois fois. Pour vous dire, ça m'a fait rire, ça m'a même fait pleurer à un moment donné, parce qu'il a écrit une chanson sur son pote Chris Farley, qui est mort dans les années 90 ou début, je sais plus. Et voilà, je trouve ça vraiment incroyable. Et Adam Sandler, ça m'a vraiment. Bouleversé, je dois le dire. Non, c'est aussi drôle. Enfin, Adam Sandler, on a un peu l'image un peu beauf du gars qui se déguise en mais femme. Elle, et qui elle a quand même joué dans Funny People. Qui est... Oui, voilà. Oui, non, mais il a joué vraiment son propre rôle pour le coup. Dans... Ouais, il y a toute une phase de sa vie où il est très personnel. Et c'est Camille, c'est très bien de quoi vous parlez à chaque instant. Tu vois. Je regarde ma femme parce qu'elle déteste le mec qui écrit ses comédies là. Comment il s'appelle? Parce que bon, c'est toi qui as les noms. Ah bah, vous allez bien. C'est lui. Joe D'Apato. Ah ouais, bah c'est. J'ai un problème avec Joe D'Apato. Pareil. Ah ouais, tu me trouves pas drôle. Je trouve assez peu drôle ce qu'il fait en règle générale. Bah, toi aussi, Flaubert. À peu près l'exact inverse pour moi, mais ok. Non, mais je comprends complètement. En vrai, je reconnais les défauts. Moi, c'est ce qui fait que j'aime en fait, donc je le comprends complètement. Mais j'ai quand même raison, en revanche. mais Adam Sandler, en plus, il est assez, à part Funny People, effectivement, mais Adam Sandler, il est dans un truc beaucoup plus potache normalement que Jed Apatow. Et là, il fait un truc, tout en émotion, avec quand même des blagues, des chansons. Moi, j'aime bien les chansons rigolotes, et là, il y en a. Quinzaine, je pense. Ouais, une chanson sur les chauffeurs d'Uber qui est vraiment drôle. Ouais, non, il y en a plein des vraiment cool. Et je l'aime bien, moi, Adam Sandler. On l'adore. Et puis, comme t'as dit hors antenne, il a écrit aussi des chansons sur sa femme, c'est assez touchant. Ouais. Et drôle en même temps. En fait, c'est drôle et touchant. Il fait une déclaration d'amour à sa femme. C'est un spectacle. Un coup de poing. Mais en parlant. C'est un spectacle assez coup de poing. En fait, il fait une déclaration d'amour à sa femme, mais en plaçant des petites vannes sur le fait qu'ils ont eu des rapports. Anal ou Anou? Ah, l'expert sexo, on dit Anou. Anou. On dit Anou. Vous savez, la bite et la grammaire, c'est ma passion. Non, on sort un bouquin. Tu sors un bouquin qui s'appelle Bite et grammaire, je crois. Et oui, il y aura une suite. Fils et conjugaison, ne ratez pas ça. Très bien, on a hâte. C'est sur ma wishlist. Et donc voilà, en gros, ce que j'ai aimé récemment. Mais très bien. Tout au long de l'année 2018. T'as fait d'une pierre 10 coups, c'était beau. Bravo, oui, c'est vrai. Bravo. Moi, je voulais vous conseiller, parce qu'en fait, je traînais dans les rayons de Jouet Club, La Grande Récré, Toys R Us, faut citer trois marques. Je me suis rendu compte qu'il y avait une recrudescence, Adrien, s'il te plaît, aide-moi. Recrudescence, ouais. Bah, je suis auteur, donc c'est pas du tout mon métier au final. Ouais. Et des jeux de société dégueulasses, et en fait, qui amusent les mômes. Je vais vous faire des petits exemples, et vous allez me dire si c'est des vrais ou des faux à votre avis. Ça, c'est un jeu? C'est un petit jeu. Okay, il y en aura un autre plus tard. Donc c'est fini les recommandations ou c'est ma recommandation qui lance machin et après on revient sur toi. D'accord. J'aimerais qu'on t'oublie souvent ici. Mais jamais. Aujourd'hui, il est perturbé. Il y a plus de monde que d'habitude. C'est toutes mes petites habitudes sont cassées. Est-ce que ça existe ou pas un jeu de société qui s'intitule Médor Pète Fort? Oui. Oui. Non. Oui. Oui, non, ça sonne bien. C'est pas un bulldog sur la jaquette, non ? Alors c'est pas du tout un bulldog sur la jaquette, mais ça existe. Mais avec quoi est-ce que t'as confondu ? J'ai sauté avec un bulldog avec un gros collier là. Sur la... nous y reviendrons. Médor Pedfort, qui s'appelait à la base Tuturista. Je préfère celui-là. Monde. C'est pas la même chose du tout. Tuturista, alors je vous donne un peu le trinsic. On nourrit l'adorable Tekel, on lui donne son os. Ouais. Ensuite, pour l'aider à digérer son copieux repas, on fait tourner la roulette et on appuie autant de fois sur la laisse que le chiffre indiqué sur la roulette. On écoute le bruit et peut-être que Médor va faire un caca. Et s'il fait un caca, on ramasse la crotte avec la pelle et on gagne un point. Ah, mais il fait plus que péter, il chie carrément quoi. Il chie direct. Donc Tuturista, c'était mieux. Mais justement, d'ailleurs, j'y reviens parce que quelqu'un a demandé. Mais attendez, excusez-moi, j'arrive pas à faire sortir la pâtée du trou du cul. C'est une vraie question qui est posée. Et le jeu de société répète comme indiqué dans la règle, il est important de ne mettre qu'une seule pâtée à la fois. Car sinon, les pâtées sont coincées. Et donc, il faut utiliser la tige jaune qui est normalement dans la boîte pour sortir le caca de Médor. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'on peut faire juste une petite pause ? Parce que moi j'ai besoin de digérer juste ça. À la manière de Médor qui va chier. C'est pour te dire sur la laisse. Voilà, c'est bon, ça va aller. Est-ce que ça existe ou non, Morvoland ? Oui. Moi je dirais non. Ouais. Je viens de dire non parce que quand on commence par un oui, en général on enchaîne sur un quoi, quand on enchaîne sur deux oui en général. Je sais pas, c'est n'importe Camille quoi. Camille dit oui, putain, sinon. Ça n'existe pas. J'ai jamais entendu Morvoland, mais il y a des jeux avec de la morve pour les gens. Peut-être. C'est mais sûr. En tout cas, Morvoland n'existe si, pas. Si, il y en a un où tu sors des vers de terre du nez d'un mec, c'est dégueulasse. Oui, exactement. Je l'ai pas mis parce que je pensais qu'il était trop connu, tu vois. Mais en fait, t'as raison et ça existe. Est-ce que ça existe, tête de crotte ? Oui. Je dirais non. Ça sonne bien. Ouais, annonce du côté de JB. Non, c'est pas vrai. Est-ce que tu joues la dissidence, Adrien ? Est-ce que tu Moi, je vais dire oui. Eh bien, ça existe. Voilà. Excusez-moi, c'est TF1 qui sort ça. TF1 Games. TF1 ? Ouais, TF1 Games. Toujours dans le. Toujours, il y a une critique que j'aime beaucoup. Si je peux me permettre, télé de crotte, parce que moi je dénonce. Moi je suis là pour dénoncer. Moi je suis là pour dénoncer ça. Et oui, TF1, tu vas pas dormir, j'ai l'impression. Ouais. Je vous partage un petit peu un avis, une étoile. Quelqu'un qui a pas vraiment apprécié. Ah oui, donc pas ouf quoi. Ouais. alors que l'on peut penser que c'est drôle pour les enfants, le jeu n'a aucun intérêt. Ok, on se met des crottes en plastique sur la tête et c'est amusant. Mais à part ça, c'est très limité. Voilà, donc je voulais vous partager. Et quelqu'un dit ça s'arrête là, tu vois. Oui, ça s'arrête là. Il y a un gars qui a fait 5 étoiles. Il a 6 paragraphes. C'est une dissertation. Ouais, c'est 6 paragraphes sur le jeu. J'en profite une, quand même, juste une petite partie d'un paragraphe. Lorsque vous êtes adulte et que vous voulez faire plaisir à votre enfant pour jouer avec lui, il ne faut pas avoir peur de ridicule car vous devrez porter une crotte sur la tête qui sera maintenue grâce à un élastique et ce pendant une bonne partie du jeu qui dure quand même 15 minutes. Il y a également à noter un coussin péteur qui fait également partie du jeu. Donc voilà, on peut vraiment s'éclater. Hein. Et non, oui, je voulais, c'est souple pour les jeunes enfants et tout de même, il y a un but pédagogique. Et oui, celui de leur montrer l'hygiène et de leur dire d'apprendre les bases simples de la propreté, en l'occurrence qu'il faut toujours se laver les mains. Ne pas se mettre une crotte sur la tête, voilà. Éviter de chier sur la tête des gens. Heureusement qu'il y a les jeux de TF1. Ouais. Merci TF1 Game. Est-ce que ça existe, délire aux toilettes ? Oui. Oui, délire aux toilettes, où tu peux tirer la chasse. Sur la couverture, il y a écrit « Te feras-tu asperger si tu tires la chasse ?» En tout cas, t'as un large choix de jeux de chiasse. Uniquement de la chiasse. C'est le même thème quand même. Hein. Non, il y avait de la morve. Ah non, ça n'existait pas. Non. L'idée est amusante et mon fils voulait tellement cette toilette. L'exemple des lapins crétins, sans doute, cela fait un petit jeu rigolo. Pour moins de 15€, l'objet est sympa au milieu de la table du salon. Ouais. Par contre, on n'y joue pas pendant des heures. Est-ce que c'est des chiottes et genre il y a une merde qui sort Non, c'est de l'eau. En fait, c'est de l'eau qui sort. Parce que j'avais vu un jeu comme ça là. Ouais. C'est un jeu très amusant. Il faut mettre de l'eau lorsque vous tirez la chasse. Un coup sur trois, il y a un petit jet d'eau. Pas de quoi inonder la maison, ne vous inquiétez pas. Voilà, ça, c'est les gens avaient peur de pas. On n'était pas bien. Bah, je sentais que le tapis allait pas être récupéré. Est-ce que ça existe, flaque de pipi ? Non. Si. Non. Si, ça existe. Non. Ah, le pipi n'a jamais été encore exploité, donc je dis oui. Oui. Ah, toi, tu joues, t'essaies de comprendre un peu. Je change, je dis oui. Ouais, non, ça existe pas du tout. C'est réinventé complètement. Ça n'est bien pour toi. Marie avait l'air si. Tu vois, elle était déterminée. Donc on garde, parce que je lui ai donné ça en fait tout à l'heure, rantaine. Que voyez, des gens tu plais à Marie des oui, fois. Oui, à Marie. Non, il avait dit Emmerich. Oui, à Marie, elle. À Marie ou Emmerich, bien sûr, qui était. À Marie, on t'appelle à Marie. Ouais, ça m'est arrivé avant mes 12 ans quand même, hein, faut pas déconner. Par quelqu'un qui parlait pas bien français. Exactement, enfin, voilà, par un dyslexique, je peux le dire, tu vois. Le jeu ne marche pas dedans. Ne marche pas dedans. Ne marche pas dedans. Non. pas obligé de le jouer comme ça. Ouais, hein, ouais, ouais, ouais, ça existe. Ah, ouais. Non, trop de jeux de ouais, merde. Non, non. Ouais, ça existe. Ouais. Ouais, non, non, non. Là, je serais un peu lourd hein, si je faisais que ouais. ça. Eh bien, ça existe. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Avec ne marche pas dedans, amusez-vous les yeux bandés et attention à ne pas marcher sur les crottes en pâte à modeler. Donc en fait, c'est pour recréer chez soi la joie de marcher dans de la merde. Ouais, mais tu t'appropries le truc. C'est tu contrôles. Alors, hein. Très varié quand même. Il y a écrit quand même dans la notice. Inspiré du jeu Don't Step in the Lava. Donc ah, oui, le sol okay. est The floor is caca. The floor is lava. Voilà, tout simplement. Donc Don't Step in it. Il y a des petites photos, je vous encourage à regarder. Enfin on okay. peut sur Amazon ça coûte un petit 41 €. Quand même. Alors, peut-être parce qu'il y en a plus, c'est Noël, les gens les commandent quoi. En tout cas, une bonne génération de scatophiles est en train de se former. Le concept est très simple, éviter de marcher dans les crottes. On a donc un moule à crottes très réaliste, hein, et de la pâte à modeler couleur caca. On a joué 1h30 avec ma fille, c'est très long. Non, c'est vraiment long, ouais. Très bien, est-ce que ça existe ou pas? Mamie pue de la chatte. Non, mais après voilà, si vous êtes concepteur, voilà, puis si vous êtes concepteur de jeux, n'hésitez pas, je vous offre Mamie pue de la chatte avec grand plaisir. Les amis, si je vous ai invité, c'était pour parler fête de fin d'année. Ah voilà. En fait, Flotte, t'as été toute seule, mais j'étais ok. J'étais quand même content que tu mettes un peu d'entrain. Fête de fin d'année, je vous ai demandé de réfléchir chacun de votre côté à des petites anecdotes de Noël et de jour de l'an un peu pétées. Déjà, une question toute simple, est-ce que vous préférez Noël ou le jour de l'an? Ils sont quand même deux ambiances différentes. Il y a un peu non, famille, ouais, copain. Pour moi, c'est pas pareil. Quoi. Noël, sans Noël, ça, pour vous, pour toi, c'est incomparable. Noël, pour moi, c'est pas pareil. C'est-à-dire que Noël, pour moi, est largement au-dessus du jour de l'an. Ah oui, d'accord. Moi aussi, c'est fou, tu vois. J'ai pas entendu, tu es plus Noël, plus jour de l'an? Pardon, moi je t'es en train de bouffer dans mon frigo. En fait, on ne le voit pas, mais. énorme pique-assiette. bouffer à la base. C'est la alors, fin du mois. Hein. Je veux pas te mettre mal à l'aise. Si tu veux juste bouffer, il n'y a aucun problème. Hein. Tu n'es pas obligé de. Voilà, moi je veux pas te mettre mal à l'aise. Tes interventions. Non, moi je préfère Noël largement. Bah, tout le monde, j'ai l'impression. Il y a un consensus autour de la table. Pourquoi, quand pourquoi même, hein. profiter de ah, Noël? Parce que déjà, Noël dans ma famille, c'est quelque chose. Tu vois, normalement, on passe à table vers 15h. On est déjà pété parce qu'on a bu deux bouteilles de champagne chacun. Ah, donc toi, t'es du Noël du 25, tu fais pas le 24 au soir? Ou c'est le 24? Ah bah bien sûr. Ceux du 24 ils picolent pas, tu vois. On se partage à 12 une bouteille de vin, tout le monde est déprimé. Et c'est le lendemain qu'on s'en met une grosse. Très et bien. Là tout le monde est très content. On boit énormément, on mange énormément. Ce qu'on essaie de faire, c'est de relier le déjeuner avec le goûter, avec le dîner. Ah, on essaie aussi dans ma famille. De manger. Mais tu restes assis, t'as mal au cul à la fin. Tu restes assis très longtemps du coup. On fait des pauses dance floor nous. Non, mais bien, c'est ça. Incroyable. Ça, c'est suivez mes stories à Noël, ça va être génial. Il y a un vrai débat à lancer. Les cadeaux, ça s'ouvre le 24 au soir, bon à minuit 25, ou le lendemain matin. Il n'y a pas de débat. Non, mais il n'y a pas de débat. C'est le 24 au soir. Avec cette mascarade, quelle idée d'attendre. Il y en a qui font l'inverse. Bah, c'est des cons. Pardon, si vous m'écoutez, vous êtes tous des cons. La tradition d'origine, c'est ça. Oui, parce que le Père Noël passe pendant la nuit, mais moi, je suis plutôt team. Tout le monde en vrai, va dans la chambre, on va regarder tes jouets. Bah et après, voilà. On va passer les cadeaux. Moi, je trouve ça très stylé. Est-ce que ça se déguisait, vous, de votre côté, quand il y avait des enfants ou pas? Pas du tout. Noël. Ouais, Il y a deux teams, Kalindi. Nous, on se foutait bien de notre gueule et on nous mettait à la fenêtre en disant regardez, le Père Noël va passer. Ça aussi, ouais. Et pendant ce temps, les adultes sortaient les jouets des bagnoles et allaient les mettre sous le sapin. Et nous, les enfants, parfois, on le voyait, ce ouais, petit Père Noël. Il y avait du mensonge, on est d'accord. Voyait. Oui, non, mais nous, dans notre tête, on voulait tellement le voir qu'on le voyait par la fenêtre. Non, mais c'est et drôle parce on que... sortait de la cuisine et ça y est, il y avait les cadeaux, c'était magique. Non, un soir, on allait fêter Noël chez ma grand-mère et en fait, j'ai voulu faire croire à mon beau-père que j'avais vu le Père Noël dans le ciel. Et je me suis dit, bon, vu qu'il existe, il va me croire, c'est obligé. Parce que du coup, je viens de le voir passer, c'est un truc de ouf et tout. Enfin, je pensais avoir dit, c'est un truc de ouf. Très et bon et tout. Tu vois. Et en fait, j'y ai repensé plus c'était tard. C'était l'an dernier. Et en fait, j'y ai repensé plus tard. Je me suis dit, putain, mais il a dû me prendre pour un mytho de ouf à ce moment-là. Tu vois. Oui. Bah ouais, bah après, c'est les enfants. Les enfants sont des menteurs. Donc après, les parents sont les premiers menteurs. Puisque c'est eux qui disent que le Père Noël existe. C'est un autre vrai débat que je mets sur la table. Pardon, mais. Non, mais s'il doit y avoir débat. Non, mais quoi? On va en parler maintenant. Qui a le droit? Comment ça, il n'existe pas? Qui a le droit de faire ça? Sérieux? Tu veux dire à des enfants? À qui l'on ment, mon gars? Oh putain, c'est incroyable. Maurice, ça se déguisait ou pas du tout vers chez toi? Alors moi, j'avais un oncle qui tenait absolument à moi aussi. Faire le... C'était ça. Ah, c'est incroyable. Mais je crois qu'on avait le même. C'est bah, pour ouais, ça. Ouais. Il tenait absolument à se déguiser en Père Noël. Mais si tu veux, il avait le même déguisement. À mon avis, depuis des années, il était pété son déguisement. Enfin, clairement. Et tout le monde lui disait, c'est-à-dire, n'y va pas. En fait, ça sert à rien. Même les gamins, ils ont 12 ans, ils y croient plus. Mais lui, c'était un vrai tonton kiff. Pour lui. Ça lui fait moment, plaisir. Si tu veux, il arrivait et à chaque fois, il y avait une petite mise en scène, tu vois. Alors des moments, il disait qu'il avait son traîneau dehors. Enfin, tu vois, il y avait. Ah, il parlait. Ouais, bien sûr. Oh, bien sûr, mais risqué. C'est pour ça. Il faisait une voix. Il faisait Non, justement, il disait salut, c'est le Père Noël. Non, non, justement, c'était un conseil qu'on lui avait donné parce que quand à 12 ans, si tu veux, on lui a dit fais une voix, tonton, parce que là, vraiment, ça craint. Aide-nous pour les plus petits, tu vois. Aide-nous un peu. Et le gars était chaud, et donc du coup c'était plus un moment pour lui en fait, je pense que c'était son petit moment de lâcher prise, et voilà, mais vraiment avec lui j'ai cru, oui, un an, deux ans, aller à la rigueur, mais vraiment à 8 ans c'était fini quoi. Moi c'était mon, c'est pas vraiment mon grand-père, c'est le mec de ma grand-mère, okay. Et qui le faisait parce qu'il était gros, et en fait du coup ça marchait bien. D'accord, bah oui, bien sûr. Problème c'est qu'au début il parlait pas. Voix ou pas oui, voilà, au début non, et un jour il a voulu le faire. Gros problème, et il est italien. Donc en fait, il a un accent à couper au couteau, mais et qui fait eh ben c'est le Père Noël. Wow, alors passe, attends, c'est un accent italien approximatif. Oui, voilà, je ne suis pas Géraldin, hein, je suis sincèrement désolé. Non mais voilà, donc énorme accent. Ah ouais. Et donc du coup, bon bah voilà, une enfance vraiment genre ah d'accord. Okay. D'ailleurs, comment vous avez appris que le Père Noël n'existait pas d'ailleurs? Souvent, j'ai l'impression, oui, que c'est dans les écoles où ça parle et où les gens font semblant de, bah, évidemment que. Alors, il y a d'abord une rumeur qui tourne en fait, oui, dans la cour, si tu veux. T'as toujours les mecs qui font, qui commencent à balancer des hashtags des sur Twitter. Exactement, bah ouais, ça se lâche de ouf. Et non, moi c'était en fait, c'était ma mère. Un soir, en fait, j'étais en train de, on avait le salon qui était au-dessus et moi j'étais en train de regarder un dessin animé, je crois. Et ah bah c'était Noël, donc ça devait être un dessin animé TF1 de 17h. C'est ça. Vraiment un truc un peu kiffant. Soit ça, soit un film avec Robin Williams. Ouais, j'étais en train de jouer à un jeu de société où je devais tirer la chasse. Et en gros, je voyais pas ma mère, donc je me suis dit, bah tiens, c'est pas normal, qu'est-ce qu'elle fout. Et en fait, en descendant les escaliers, je la vois en train de traîner un paquet de cadeaux. Et si tu veux, il y a eu un vrai moment de blanc, tu vois, avec ce petit retourné. Ah oui, donc toi, tu l'as vu. Ouais, quoi. Ouais, vraiment. Et ce petit chuchoté de. Mais va là-bas, je t'expliquerai. Ah, ça m'est arrivé moi quand j'ai vu mes parents baiser. Ah, c'est un peu pareil. Ils ont fait un petit chuchoté comme ça. Ma mère tirait le père et elle a fait non, va là-bas. Ouais, ce qui était horrible, c'est qu'après elle a essayé de me créer un mytho. Genre, non, mais en fait, je l'ai aidé parce qu'il est vraiment dans la merde là, le Père Noël. Ça, c'est un bon mytho, je trouve. Ouais. Et elle m'a dit, écoute, je suis obligé un peu de l'aider, mais il est là, il est dehors, il voulait te parler, il a pas eu le temps parce qu'il y a d'autres. Pas mal. Et j'étais déçu. Ça, vraiment. C'est très drôle parce que ça, autant moi, si j'ai des enfants, et j'espère en avoir, mais je suis chaud pour leur faire croire au Père Noël. Moi aussi, en revanche, de là à me battre pour qu'ils y croient au moment où ils ont un doute, parce que ouais, ma mère était pareil quand moi j'avais dit mais pourquoi il y a des Pères Noël à Leclerc, qu'est-ce qu'il fout le Père Noël ici. Moi, ma mère me disait que c'était des faux. Mais voilà, et moi c'était et soit il y a deux écoles. Travaille pour lui. Voilà. C'est le Père Noël. Oui. Comment tu veux qu'il fasse le tour du monde en une nuit? Forcément, il a des gens qui l'aident, oui, mais c'est pas les vrais Père Noël. Le vrai Père Noël. La version capitaliste du Père Noël. Il a des employés, c'est normal. Une aussi grosse boîte. Des stagiaires non rémunérés, c'est normal. Surtout en tant qu'enfant, on devrait se dire pourquoi parmi la masse de destinations possibles, chaque année, il choisit le centre commercial de Vélizy 2 en fait. C'est toujours pareil. T'sais. Et puis surtout, moi, vraiment, il passait chez Wham à minuit, quoi. Genre vraiment, il y avait que chez moi qu'il était ponctuel. Quoi. Tous les autres s'en battaient les couilles de ouf. Mais est-ce que vous leur mettiez des, enfin, est-ce que vous lui mettiez des petits gâteaux, du lait non, ou... Jamais la vie. Jamais. Hein. Non, mais attends, j'ai... On habitait en France, pas dans un feuilleton d'M6. Saint-Étienne, je vivais dans un feuilleton d'M6. Ouais, excuse-moi, Camille. Voilà, mais je lui donnais des princes de lui. Et moi, du coup, mes parents faisaient, enfin, croquaient dedans pour faire genre, le mangeaient pas en entier pour faire genre. C'est pour ça, moi, mes parents. Faire croire au Père Noël, pourquoi pas, mais là il se cassait vraiment le cul de ouf. Mais Florent, je crois qu'on a eu les mêmes parents. Mais c'est ça, mais c'est pour ça que j'y ai cru jusqu'à 22 ans. Enfin, c'est pour ça que putain, ils sont vraiment cassés le cul pour qu'on y croit, quoi. Tu vois, pour qu'on y croit à fond. Et puis après, enfin, je sais pas, moi j'ai toujours trouvé ça très mignon de leur part. À qui j'ai pas demandé, toi ça se déguisait ou pas? Moi tu m'as pas demandé. Oui, Florent, oui, donc, mais j'ai voilà, fait. Vas-y, Kalinka, vas-y. Attends, t'as pas entendu. Moi j'ai jamais cru au Père Noël parce que j'étais pas con comme une bite. Mais du coup, non. Écoute, j'ai pas. En fait, je sais plus comment j'ai arrêté de croire au Père Noël. Ça réclame la parole. Je sais que j'ai été déguisée en Père Noël. Ah! Oui, bien sûr. Et c'est le jour où je me suis endormie dans les coquilles Saint-Jacques, tu vois, c'est le même jour. Mais oui, je te l'ai pas dit. Alors, mais non, mais raconte-nous tout. Parce mais qu'on j'étais pas tout, ivre mais... saoul, donc c'était un soir de Noël, bien sûr. Combien d'années? Il y a combien de temps? J'avais 17 ans, peut-être. D'accord. 16. Tu vois, j'étais très d'accord, jeune. D'accord. J'avais bu. Mon oncle me donnait du rouge. Je buvais. Donc je commence à être ivre. On me dit, bah tiens, Cal, va te déguiser en Père Noël. C'est toi qui fais le Père Noël cette année. Et là, tu dis, bah il est 18h30. Donc là, je commence à faire l'animation pour les gosses, ils sont contents et tout, et ils me disent bah viens Père Noël t'asseoir à la table. Et sauf que moi j'étais tellement bourrée, ils me servent un peu de champagne et je me suis endormie la tête dans les Saint-Jacques. Sauf que du coup j'étais déguisée en Père Noël. déguisé en Père Noël avec la barbe et tout. Là qu'ils ont arrêté d'y croire. Ouais, là c'était chaud. Je crois qu'ils ont préféré ne pas y croire. En fait, ils étaient couchés les gosses là. J'étais juste comme ça, tu vois. Et après, ils m'ont dit bah écoute, va voir Robin des Bois avec les gamins. Et je suis allée dans la chambre des gamins. J'ai vu Robin des Bois de Disney. Déguisé en Père Noël toujours. Non, je l'ai enlevé quand même. Tu vois, mais bon. Non, mais ça veut dire qu'ils sont montés dans leur chambre en disant bon, on va laisser le Père Noël à table. On va laisser bouffer des Saint-Jacques parce que visiblement il veut beaucoup de Père Noël. Tu vois, j'étais un peu bronzée pour une Père Noël quand même. Oui, mais ils ont dû se dire bon, on va pas le déranger. Visiblement, il a envie de bouffer. On va le laisser là. C'était un peu le Queen Camille de Noël en fait. Il est venu bouffer des trucs, tu vois, pas spécialement participer. Voilà, il a vu des Saint-Jacques, il est resté quoi. Je sais pas moi si ça vaut le coup de mentir aux enfants parce que je me rappelle pas comment j'ai découvert que le Père Noël existait pas, mais je sais que j'étais dégoûtée. Cette Noël était foutue quoi, une fois que le Père Noël existait. Ah ouais, t'étais vraiment déçue. J'en voulais aux adultes. Ah ouais, mais ouais, pourquoi se foutre de ma gueule en fait? Ah, mais c'est marrant. Se foutre de ma gueule. Ah ouais, non, je le respecte. Mais Amaury, t'as des petits frères, petites soeurs, un truc comme ça? Ouais, ou pas, des demi-soeurs et un demi-frère. Parce que moi je sais que ce qui m'a permis d'accepter que mes parents m'ont menti, c'est que du coup il y a un peu la transmission de t'as le secret, ouais, faut pas que ton petit frère soit au courant. Et donc ça, non mais je suis d'accord, c'est pas, mais du coup il y a eu un petit truc qui est la pilule passe beaucoup mieux. Ouais. D'un coup, espérons qu'il écoute pas le podcast du coup. Non là, ça va, t'inquiète, non faut rassurer. Du coup il y avait vraiment ce truc de ok, je suis dans la confidence. On vient de me dire, je franchis un step. On vient de me montrer les plans des tours jumelles et apparemment il y avait une bombe dans le métro. Non mais... Petite sœur, elle y croyait encore, tu vois, pour elle c'était encore magique et moi c'était injuste, c'était fini à tout jamais, voilà, c'était ma mère qui allait à Auchan et qui cachait les trucs dans la cave. Toi Jean-Baptiste, si je te dis de Père Noël et tout, toi c'était quoi? Donc déguisement ou pas? Non, pas de déguisement. En fait nous on fêtait toujours Noël chez ma grand-mère avec les oncles, les tantes, tout ça. Et en fait à minuit ils nous demandaient d'aller, enfin 23h50, d'aller dans la chambre de mon grand-père. Et puis là il y avait mon oncle qui cognait à la porte en disant c'est le Papa Noël comme ça. Ah, il faisait la voix. Et toi aussi c'était ton oncle. Ouais, il disait pas genre c'est le Père Noël. Et les mirages. Ouais. Et donc on courait dans l'espoir de le choper. Et en fait pas du tout. Mais c'est drôle parce que encore une fois, à aucun moment on se disait attends, pourquoi ma mère là elle me demande d'aller dans la chambre de mon grand-père? Et pendant à peu près ouais, tu t'y crois jusqu'à quoi? 8 ans le Père Noël? 7 ans peut-être, un peu moins? Ouais, 7 ans. 7 ans. Donc pendant 7 ans on te dit non mais monte là-haut. Et t'es ok toujours genre, mais okay, par contre, moi après une fois que j'ai su, enfin moi j'ai vraiment un souvenir d'un moment précis comme ça où j'ai présumé qu'il existait pas, mais mes parents ne savaient pas que je le savais. Et donc du coup je me mettais à fouiller dans la maison pour essayer de trouver les cadeaux. Et je me souviens qu'un jour j'avais trouvé un cadeau, justement c'était une Mega Drive et j'étais dingue de la voir comme ça. En fait elle était cachée dans un placard. Et c'est-à-dire que tous les jours j'allais la voir en fait. En secret. Ouais, j'avais découvert 10 jours avant et chaque jour quand il n'y avait pas ma mère en fait j'allais la voir et je la regardais comme ça, je regardais le carton. Et après je remettais dans l'armoire. J'espère qu'elle était pour toi sinon c'est vraiment ça. Tellement dur le jour. Le daron, ouais putain trop bien. Bah non Jean-Baptiste, toi t'as eu que 9 sur 20. Du coup ça va, ah machin. Et non, ça m'avait vraiment marqué parce que vraiment chaque jour je la regardais quoi. Et puis le jour J j'ai dû jouer très mal la comédie et faire oh, incroyable. Et c'était vraiment cool. Adrien, un souvenir ouais, de Noël? Ouais, non, pas spécialement. Oui, ça bah en fait tout a été dit déjà. Non peu, mais ça se déguisait, ça changeait. Je crois que mon frère l'a fait une année. Au départ c'était mon père, puis enfin jusqu'à mes 9 ans parce qu'après ils ont divorcé. Remarque, peut-être que j'y croyais plus en fait déjà. Peu importe. Non ouais, déguisement et pareil le truc de. En fait moi c'était, j'avais un jardin, donc ça facilitait le truc de. Et bourgeois. De m'éloigner de la maison. On disait oh là là, il y a le Père Noël, il vient de passer et tout, donc on allait dans le jardin. Et pour le voir en fait. Ouais. Et on me disait ah mais là il est là-bas, il est là-bas, il vient de partir et tout. Donc moi je regardais. Attends, pas bête, il faisait froid. Oui, il faisait... C'est horrible de faire ça parce que du coup tu le voyais jamais en fait. Au final. Oui mais très comme disait espion, Camille, bah oui. Quand t'es gamin tu t'inventes des trucs un peu, tu fais ah putain ouais je crois que j'ai vu un truc là-bas et tout machin. Ouais. En fait, on montait putain. Qui veut jamais d'un rêve disparaître derrière une fougère, j'en suis sûr. C'est hyper dur ça. Ouais bon ça y a pire quoi, ça va. T'as eu la belle vie, si c'est très dur pour toi. Ouais, on n'est pas dans le jugement de valeur. Je te rappelle qu'en parlant de belle vie, je viens de Saint-Etienne, donc voilà. On peut pas considérer que c'est une belle vie. Non, mais en parlant de Adrien, il gagne, mais bon, c'est pas ouais. On peut pas jouer avec Adrien, il gagne tout le temps avec ce truc-là. Non, mais non. Ouais, en fait, en parlant de déguisement, il y a une scène dans Les Gremlins qui est censée être une. Le ciné direct, il rate tout de suite, le mec est cinéphile. Ouais, mais ça me fait penser parce qu'en fait, dans Les Gremlins, il y a une scène qui est censée être une scène touchante, la scène où on pleure, où en gros, Phoebe Cates, elle explique au mec que son père, il est mort quand il était jeune parce qu'il s'était déguisé en Père Noël et qu'il était passé par la cheminée pour leur donner des cadeaux, mais il était resté coincé dans la cheminée pendant 3 jours, il savait pas où il était. Ouais. Et en fait, moi, je trouvais ça drôle en fait. Non, mais t'es mais en fait, quand t'imagines, c'est drôle parce qu'il retrouve le mec mort avec son costume à l'intérieur de la cheminée. T'es sûr qu'elle est censée vraiment être touchante parce que moi j'ai toujours prise comme mais moi je pensais que c'était ironique un truc décalé un peu quoi. Bah en fait non, mais on vient de te faire ouvrir les yeux sur Gremlins. Non, mais non, en fait pour moi c'est genre la scène un peu gnangnan du film, un peu ah ouais. Touchante. Mais c'est vrai qu'il l'a parodie dans le 2. Il y a un truc comme ça dans le 2 où elle fait un monologue sur un souvenir où c'est horrible. Et je crois que d'ailleurs Spielberg ne voulait pas de cette scène. Vous me faites douter de ma vie. La seule, parce que le 2 c'est n'importe quoi. Non, c'est le 1. Le 2 est cool en vrai. Non, mais attends, le 2 c'est celui qui est dans la tour. C'est celui qui parodie Trump. Oui, oui, mais c'est celui sur lequel Key & Peele ont fait un sketch. Ouais. Il se passe un milliard de trucs. C'est n'importe quoi. Oui, on est d'accord. Il est marrant, mais il y a Hulk Hogan qui brise le quatrième mur. Ouais. Mais ouais, Spielberg voulait pas du tout de la scène du Père Noël dans le 1 parce qu'il était en mode non, là vraiment c'est dark, les gars. Moi je suis chaud pour plein de trucs, mais là le Père Noël qui prend feu et tout, c'est un peu vénère. Mais déjà, dans la première version, normalement la mère elle devait finir décapitée. Oui. Le chien il devait être dévoré par les Gremlins. Et normalement les Gremlins devaient faire un massacre dans un McDo en bouffant tous les mecs. Dans un lycée. Et c'est là que Spielberg avec a dit une calache, donc c'était vraiment très très sombre moyen, quoi. Un film très sombre. Et c'est là que Spielberg a dit non. Pardon, excusez-moi, j'étais en train de déglutir, tout bonnement. Des souvenirs de repas de Noël, un petit peu nul, un petit peu. Parce que moi, tu vois, maintenant je peux plus, hein, les trucs de 17h, tu disais on arrive à 15h et on repart à 20h. Moi, déjà, je bois pas d'alcool. Donc, du coup, il faut un excitant, sinon tu tiens pas. Voilà, exactement. Bah, là, cette année, je ramène de la coke, je vais voir ce qui se passe. Ouais, bah ouais, essaye. Ouais. Parce que le temps est divisé par 4 heures. Branle-toi, sinon. À table je sais pas, peut-être trouver un truc. Ouais, on cherche des solutions, d'accord, mais. Est-ce que vous avez des souvenirs de repas de Noël? Il y a quand même ce cliché d'engueulade de repas de Noël ou de trucs un peu. Est-ce que ça se vit vraiment ça ou est-ce que c'est un fantasme de cinéma? Oh oui. Ah oui. Moi jamais. Pourtant j'ai une famille raciste. On pourrait s'engueuler beaucoup, mais je les aime. Bah sauf si t'es raciste toi-même. Mais non, on s'engueulerait pas. On serait tous d'accord. Oui, justement. Ah les longs, les noirs. Ah bah oui. Hein. Mais non, je me contente de les laisser parler. Je les aime. Tu fais des tweets et puis du coup t'es retweeté à donf. Ça et c'est rigolo. Voilà. Adrien, t'avais l'air de faire oh oui. Non, mais bah après moi je l'ai déjà raconté cette anecdote dans le podcast de Thomas Hercouet. Ouais, donc mais je peux la raconter. Supplie, elle est pas si incroyable, mais moi, c'est pas très chaud pour. Non, elle est pas ouf, mais elle est assez représentative de mes Noëls pendant plusieurs années en fait. J'aime déjà. Donc en gros, moi mes parents ils ont divorcé quand j'avais 9 ans. Loser. Ouais, j'ai mal géré, j'ai merdé. Je sais pas comment introduire le truc. J'ai pas envie de refaire la formule que j'ai utilisée là-bas. Non, mais en gros le truc c'est que du coup tu fais deux Noëls. Tu fais le Noël. Bien sûr. Nous on faisait du coup le Noël chez ma mère. Le 24. Voilà. Ouais. Où là il y avait un peu la famille qui venait. Il y avait des gens. On était un peu nombreux, etc. C'était cool. Et le lendemain on faisait chez mon père, qui est alcoolique et très anxieux, et du coup c'était un peu moins c'était un peu à pile ou face. Voilà, un peu, ça pouvait être bien comme ça pouvait être pas ouf. Ça dépend, tu jettes une pièce et voilà. Et cette année là donc on est allé avec mon frère et la copine de mon frère faire Noël chez mon père. Et donc on arrive, il est déjà bourré. J'ai l'impression qu'on tombe sur face. C'est la mauvaise face de la pièce en tout cas. La pièce tombe sur ton crâne et t'ouvre le crâne en fait. Non, et on arrive, il est déjà bourré. Ce qui est bon, voilà. Il est un peu en avance sur le repas, il est déjà ivre quand on arrive. De quoi? Il est quelle heure? Oh, je sais pas, l'heure de l'apéro, 19h quoi, tu vois. Bon. Et en fait, le truc c'est que. Lui toute la journée il prépare le repas, mais c'est un truc faut pas se rater, du coup ça l'angoisse, du coup il boit, et du coup voilà, donc on arrive, on fait genre bon ok, ça peut quand même bien se passer peut-être. Là il se déguise, tout le monde est gêné en Hitler. Il est chaud. Et bah quoi bourré, ouais. Il nous crache dessus. Non il avait préparé des cailles farcies. C'est technique. Mais non, mais il faisait très bien à bouffer, mon père. Et il avait préparé des cailles farcies. Sauf que la copine de mon frère dit ah, mais ouais, non, mais moi, je vais pas en manger parce qu'en fait, je sais pas, ça me fait mal. Ça me fait mal au cœur, des cailles. Genre, en gros, c'est farci avec un autre animal. Bon, genre, c'est mignon, du coup, j'en mange pas, quoi, en gros. Donc là, bon, c'est un argument qui est mal passé auprès de mon père. Donc, ça commence à s'engueuler. Mon frère prend la défense de sa meuf. Ton frère, à quel âge à ce moment-là, si c'est pas indiscret? Je pense qu'il a la vingtaine, Ah, oui, quand même, donc jeune adulte. Bah, moi, je devais avoir 15, 16 ans. D'accord. Donc, il a 6 ans plus que moi. Ok. Et donc engueulade, ça en vient presse commun. Ah merde. C'est-à-dire, genre, ça s'empoigne et ah, tout. L'angoisse. Elle fait du karaté en plus. Non, non, c'est mon père, mon frère. Ouais, ouais. Et donc, mon frère dit bon, bah, on se casse. Donc, on a pas mangé, on s'en va, en fait. Parce que moi, je suis le mouvement, je vais pas rester à 15 ans en tête à tête avec mon rep bourré, quoi. Donc, je suis le mouvement. On s'en va. Lui, mon frère, rentrait chez lui en voiture. Et il me dit bon, tu veux qu'on te ramène et tout. Je fais non, non, c'est bon, je vais marcher et tout. Donc, il s'en va. Il pleut, forcément, normal. Donc, il se met à pleuvoir. Je mets ma capuche, ça a une importance pour la suite de l'histoire. Je mets ma capuche. Ma mère habitait pas loin. Donc, je marche, voilà, un peu la boule au ventre et tout, tout ça. Et j'arrive vraiment à, je sais pas, 20 mètres de chez ma mère. La maison est en face de moi, quoi. Donc, je me dis, bon, voilà, je vais rentrer et tout. Je vais pouvoir oublier mon chagrin. Je vais regarder Jean-Pierre Foucault. Et au loin, j'entends un mec qui promène son chien dans le parking d'à côté, qui fait, allez, ah là là, il lui jette un bâton. Enfin, ce que tu fais avec ton chien, quoi. Ouais. Et j'y prête pas attention. Et à un moment, j'entends le mec dire, non, non, viens ici, viens ici, viens ici. Et là, j'ai juste le temps de tourner la tête en direction du gars pour voir un pitbull à un mètre de moi et qui me saute dessus pour me mordre. Donc le chien a vraiment couru, m'a mordu au bras. D'accord. Il m'a lâché, il a ressauté, il m'a mordu au pec. J'avais pas mal de pec à l'époque. J'ai tout perdu. Aujourd'hui, il t'aurait mordu au téton. À 15 ans, j'étais baraque. T'étais si bouillé. Et du coup le propriétaire arrive, il chope son chien, il me dit ah ça va et Noël, tout. C'est ça. Tu vas à ton dîner Noël? Non, je reviens. C'est raté. Et voilà la double peine un peu. Et du coup je suis rentré chez ma mère et le mec m'a dit, je précise pourquoi j'ai dit que c'était important que j'avais une capuche. C'était que le lendemain le mec était en plus un ancien pote de mon frère. Donc je le connaissais, le gars. Ouais. Et le lendemain, il est venu sonner chez nous. Donc je suis allé le voir et il m'a dit t'as pas porté plainte et tout. Donc j'ai dit non. Le gars te demande même pas des nouvelles en fait. Non, si, il me dit ça va et tout. C'est ça, t'as pas porté plainte? Non, c'est bon, je suis pas dans la merde. Ok, salut. Non, il me dit ça va et tout. Je lui dis oui, non, ça va. Le chien avait pas vraiment l'intention de me dévorer, sinon j'aurais plus de bras, quoi. C'était vraiment un pitbull. Ouais. Et donc le mec me dit t'as pas porté plainte? Je dis non, tu vas le faire? Non. Il me dit ah merci parce que putain sinon ils vont piquer mon chien et tout. Donc tu te dis bon, ce sera peut-être pas plus mal. Tu l'as très mal dressé apparemment. Et il me dit non mais c'est parce que on s'est battu avec des Kaira la semaine dernière et comme t'avais une capuche. Et vraiment la pire excuse. Ou alors peut-être que tu l'as très mal dressé, peut-être, parce que je pense pas que le chien se dise oh attends, il a une capuche lui, ça doit être une cara, tu vois, parce que ça me rappelle l'embrouille de la semaine dernière. Parce que souvent les mecs de banlieue ils mettent des capuches et lui là-bas. Donc voilà. Et, donc c'était sans doute a priori mon pire Noël. Qu'est-ce que c'est que c'est pas parce que c'est le pire Noël de France, hein. Bravo Adrien. Merci. Dur d'enchaîner. Mais par contre, tu mets le doigt sur. Je voulais pas commencer. Non, mais tu mets le doigt sur un truc pas inintéressant, qui est le côté Noël de divorcé. Moi, ça arrivait beaucoup plus tard, mes parents divorcés. Ouais, mais normalement, on dit ah, trop bien, t'as deux fois plus de cadeaux. Oui, mais moi, ça m'est arrivé, j'avais 18 ans. Ce qui est faux d'ailleurs, parce que. En fait, parce qu'il y en a toujours un plus pauvre que l'autre. Ouais. Ah oui, non, je te rappelle qu'il y a une pension dans le lot. Donc, Moi, mon père s'est barré quand j'avais 2 ans, donc j'ai pas. C'est vrai? Bah écoute. Ouais, c'est vrai. Yes. Non, mais. Je voulais casser l'ambiance. Non, mais. Je pense que c'est peut-être mieux qu'un père alcoolique. Oui. Salut, ça va? Non, mais du coup, le côté. Désolé, mais du coup, je vais parler des parents divorcés. Qui est le truc de. Oui, faut. Maintenant, moi, je dois m'organiser en fait. Parce que. Moi, ils sont et divorcés et jeunes. Et donc, du coup, il y a aussi les grands-parents à aller voir. Et donc, moi, mes Noël, j'ai 4 jours de marathon. Où je dois enchaîner de ouf pour voir absolument tout le monde. Et je déteste. Ça me donne vraiment envie de rester. Et maintenant que j'ai ma meuf, je suis avec ma meuf depuis maintenant 3 ans, donc on a un peu envie de fêter Noël ensemble. Tu vois, tu dis, moi quand j'étais gamin, je trouvais ça trop stylé que tonton il ramène sa meuf. Et tu vois, il y avait un truc un peu. Ouais. On est des adultes quoi, ouais. Tu vois, c'est cool. Et puis moi je vois jamais ma famille, donc il y a un côté comme ça, on va raconter un peu nos vies, l'intérêt de Noël en fait, un truc de. Voilà. Et en fait, elle aussi, ses parents sont divorcés. Donc en fait, à organiser, c'est insupportable. Tu fais 37 dîners, quoi. C'est même plus des vacances, c'est horrible. Et là, il y a le truc où ses parents, et le père et la mère, veulent manger avec mes parents. Mm-hmm. Et du coup, c'est un bordel. Ah ouais, compliqué. C'est vraiment très compliqué à organiser. Je sais pas, il y a des gens qui ont un peu un truc comme ça d'agenda. Oui, bah si, moi mes parents se sont divorcés quand j'avais un an. Donc, ah ouais, si donc tu veux... a priori c'est à cause de toi. Exactement, exactement. Et en fait, si tu veux, je faisais plusieurs repas avec la famille aussi de ma belle-mère. Enfin, il y avait tout un truc. Et c'était insupportable quoi. Enfin, moi, les vacances de Noël, c'était pas un super souvenir en fait quand j'étais petit. Les vacances, ouais, mais le repas, ça va, non ? Non, le repas quand j'étais petit, c'était chiant. Comment ça ? Bah, c'est-à-dire que. Comment dire ? Autour du côté de ma mère, c'était très festif. Voilà, moi, je suis d'origine italienne, donc ça parle fort, ça fait des vannes. J'ai un oncle qui se déguise en Père Noël, ouais, voilà, ouais. Donc c'était stylé. Mais non, mais du côté de mon père, c'était plus posé, c'était plus triste. Ouais. Quelle origine, j'ai dit la version polie. Ouais, voilà. J'ai dit posé. T'as dit quelle origine du coup ? Du côté de mon père. Ouais. Très français. Ah. Et il y avait beaucoup de gens racistes. C'est du racisme anti-français pour moi de dire ça. clairement. Pardon. Et donc ouais, c'était moins ouf quoi. Moi, c'était pas des super. Et maintenant, t'aimes bien ? Ouais. Non, mais c'est bien des trucs qu'on aime pas enfant, ouais, et après. Ouais, c'est ça, j'aime mieux. On se les réapproprie, on aime bien, c'est cool. Ah, mais moi, je te dis, moi, je suis déprimé de pas pouvoir faire Noël avec ma meuf. J'adorerais. En fait, j'ai jamais eu de problème avec le côté mes parents divorcés, parce que je crois qu'on est la génération où c'est la base. Hein, la génération non-non. Bah, la génération non-non. Qui n'a pas de parents divorcés autour de cette table ? Voilà, je vous rappelle qu'une mère du tout. Mais non, mais du coup, je m'en suis toujours battu un peu les couilles de qu'ils soient divorcés, parce qu'il y avait un côté un peu genre comme tout le monde quoi, et on s'y fait, ouais. Ça me regarde pas spécialement. Mais c'est vrai que le côté repas de Noël, il y a d'un coup, mais que ce truc-là, hein, même pas les anniversaires ou les, il y a un petit pincement au cœur de ah c'est un peu relou. Qui est pas une soirée où il y a tout le monde, mais c'est très égoïste, hein, parce que c'est vraiment. Vous l'avez jamais fait du tout ? Si, si, jusqu'à mes 17 ans. Mais après le départ. Non, mais genre, pas. Parce que non. Maintenant, il va falloir que tu fasses un gosse, et c'est vous qui allez faire leur pas de Noël, et c'est eux qui vont venir chez vous. Oui, mais et peut là, pas tu venir le même soir. Vous qui allez divorcer. Mais il y aura vraiment pas tout le monde, mais il y aura une partie, vous en ferez deux. On en fera deux. Voilà. Mais on fera exactement tes soirées, Camille, sauf que nous, on dira à 14h Barre-toi, il y a papa qui arrive, Faut vraiment que tu partes, prends la voiture. Bourré, du coup. Oui, bon, écoute, c'est des choses qui arrivent. Non, qu'est-ce qu'on peut demander d'autre sur Noël ? Non, moi, j'ai pas trop de. En fait, j'ai très mal géré, j'aurais dû demander aux auditeurs de nous envoyer des anecdotes et. Vas-y, JB, je t'en supplie. Votre meilleur cadeau de Noël ? Ouais. Si vous Est-ce que vous vous rappelez ce moment ? Choisissiez les cadeaux là dans le catalogue, vous mettre des petites croix. C'était le moment le plus excitant de l'année. Pareil, il y a plusieurs écoles. Il y a les gens qui font la liste, normal, ils écrivent. Il y a ceux qui entourent sur le catalogue. Moi, je découpais sur le catalogue. Bien sûr, et après, tu collais et le truc. Ah ouais, moi, c'était magnifique. C'était méthodique. Ah, bah, c'était un TP par plastique. Mais bien sûr que non, j'ai jamais fait ça. Ah ouais, tu sais pas ça ? T'es du signe de la Vierge. Tu faisais quoi ? Tu faisais juste une liste ? Moi, je disais, j'aimerais bien avoir ça, puis c'est tout. Ah d'accord, ouais. Non, et moi, mon drame, c'est qu'à Noël. Et là, parce que vous me faites marrer avec « Oui, mon père est pas là, mon père est alcoolique. » Moi, les deux cadeaux étaient sur la même page recto verso. Donc comment je le colle ? Parce que cadeaux recto verso. Tu fais un trou dans la feuille et tu le colles et tu vois. Alors tu l'écris juste simplement. Compliqué. Juste à côté. Ah, c'est compliqué. J'ai dû l'écrire, mais c'est dramatique. C'est pardon. Ouais, moi j'avoue, c'est du même. C'est pareil. Pour moi, c'est pareil. C'est l'apprentissage du choix, la liste de Noël. Alors meilleur cadeau de Noël alors. Tu m'en poses une belle. C'est, ouais, c'est compliqué. Bah, toi, la Mega Drive, ça devait être un des plus stylés. Mais je peux dire que la. Ah ouais, je peux dire que la Super Nintendo, c'était dingue quand même. Super Nintendo, ouais, quelle année vraiment. Je sais pas, ça devait être 94, un truc comme ça. 92. J'aurais dû dire plutôt quel âge du coup. Ah, quel âge ouais, je sais pas, je devais avoir 10-11 ans. Mais en fait, le vrai souvenir que j'ai, c'est que. Alors, j'ai eu la Mega Drive, j'ai eu la Super Nintendo. Et en fait, le vrai plaisir, c'est de pouvoir jouer jusqu'à 3-4 heures du matin après. Ouais. Parce qu'en général, t'as pas le droit de veiller aussi pas tard. Pas le droit de dormir. Interdit. Et voilà, il y a ce moment où ta mère a dit bon, bah maintenant, faut aller dormir. Mais tu sais que c'est cool parce que dès que tu vas te réveiller le lendemain, tu vas enchaîner sur une autre partie. Et ça, c'est vraiment cool. C'est vrai que c'est ouf. C'est ma vie en ce moment. C'est vraiment, je ne fais rien en ce moment. Mais ça d'ailleurs, alors pardon, et après on parlera des cadeaux. Je suis désolé, ce que tu. Il n'y a, pas vraiment de conducteur, c'est un peu à l'arrache. Mais ça me fait penser ce que tu dis. Moi je remercie tellement que Amazon existe. Parce que. C'est pas très on est prêt, mais. C'est pas très on est prêt. Clairement pas du tout. Ouais, c'est même l'inverse, on est prêt. Ouais, moi je suis très peu prêt, pour être tout à fait honnête avec vous. Non, mais parce que moi je me rends compte aujourd'hui que pour mes parents qui vivent du coup en Bourgogne. Pas dans une grande ville du tout. Oui. Trouver certains cadeaux était une tannée de 80 km de bagnole. Mais même à Paris, c'est. Et ouais, non, mais en tout cas, enfin, moi, j'ai pire en banlieue, mais même à Paris, c'est. Oui, mais quand t'as des petites villes de province aussi, parce que le seul Toys R Us de la région, il est soit. Enfin, nous, en Bourgogne, c'était à Dijon, quoi. Donc, c'est le seul. Donc, il est enfin genre c'est un assaut en fait ce qui se passe à Noël, c'est que les gens attaquent vraiment c'est Black Friday ou quoi, tu vois, quasiment pour moi c'est Game of Thrones. Pour moi c'est Black Mirror même. Ah ouais, bah oui. Et du coup j'ai, voilà, je remercie après toutes ces années mes parents parce que je sens qu'il y a eu un vrai investissement pour trouver des trucs où j'étais bien relou moi à base de, puis même la précision tu vois, genre moi j'avais beaucoup de Batman, des figurines Batman, des jouets Batman, mais du coup fallait pas deux fois le même Batman, donc du coup je dis moi je veux le Batman cap argenté et du coup va trouver un Batman cap argenté, il y en a plusieurs, enfin tu vois. Moi je remercie, ils ont quand même bien géré. J'ai eu très peu de cadeaux qui n'étaient pas les bons. À part si des... C'est drôle parce qu'on en a parlé dans le podcast de Sophie Marie qui sort normalement à peu près aujourd'hui. J'ai eu un faux Action Man. Je voulais des Action Man, elle m'a offert des Max Steel. Ah non mais ça c'est d'une tristesse. Non, ça s'appelait... Il n'y a pas le sigle CE dessus. Exactement, ça s'appelait Max Steel et c'était vraiment... On dirait un acteur de film porno. C'était égal. Et c'était d'où mon incompréhension. J'ai eu un acteur porno pour Noël. Mais attends, t'as dit que t'avais eu aussi un Batman à cheval. Ah oui, c'est vrai. J'ai eu, alors ouais, en fait, j'ai eu tellement de jouets Batman quand j'étais enfant, parce que j'avais une espèce de, mais toujours d'ailleurs, mais à l'époque. Bah, le paillasson, c'est Batman. C'est là, tu regardes à ta gauche, il y a tous les Urban Comics de Batman. J'adore Batman. C'est faux. J'ai regardé, c'est faux. Il ment aux auditeurs. En fait, il y a tous les Mark Levy. Non, je suis méga fan de Batman, et quand j'étais petit, c'était presque maladif. Et du coup, j'avais beaucoup de jouets Batman, parce que mes parents, ils savaient qu'ils pouvaient pas se rater si c'était Batman. Donc j'avais Batman, Jurassic Park, Action Man, c'était que ça les jouets et c'était bien puisque c'était des marques de jouets où il y avait 80 milliards de jouets de cette gamme là quoi. Bref, j'avais tellement de jouets Batman que à Noël j'ai eu un Batman à cheval qui était un jouet vraiment pas beau. Le cheval n'était pas articulé. Mais officiel ou... officiel. Ça peut être tes parents qui ont genre combiné des trucs pour inventer. Ils n'ont pas le cheval en noir. Tu l'avais pas celui-là. Mais si, c'est son Batman jardinier alors. Il est avec sa batte tondeuse, bah bien sûr. Non, c'était Batman cheval, mais qui était pas très joli. Je vous montrerai la photo tout à l'heure pendant qu'on pensera à autre chose. Ouais. Et le cheval était particulier et c'était un jouet que tu ne pouvais pas trouver en magasin. En fait, c'était la Poste qui avait fait ça avec DC Comics et fallait envoyer. Il y avait beaucoup ça à l'époque avec les paquets de céréales surtout. Fallait envoyer 4 timbres, un chèque de 20 balles et voilà, découper des bons de la banque postale. Et en échange, ils t'envoyaient le Batman à cheval. Putain. Voilà. Mais tu l'as gardé ou pas? Il est chez moi. En fait, moi j'adore les jouets nuls, mal faits en fait. Et ça, c'est. Ah non, on est dedans. Mais et les. Non, j'ai tous les jouets. J'ai eu une période horrible quand j'avais 17 ans où j'ai fait. Je m'en bats les couilles, je vends mes jouets et je me déteste. J'ai vendu plein de trucs stylés juste pour m'acheter du shit. 40 ans, toujours plus chaud. Quelle bêtise. Non, mais vraiment, je suis dégoûté. J'ai vendu des trucs que j'aurais adoré revoir dans mes mains. Et d'ailleurs, j'en ai racheté sur eBay plus cher au final. Parce que j'avais un petit truc de nostalgie. Meilleur cadeau à Maury ? Justement, pour rebondir sur Batman, la Batmobile de Batman, mais du dessin animé de 92. Parce qu'en fait, j'avais vu ça à la télé, ça m'avait rendu dingue. Et en fait, ma mère était allée la chercher, parce qu'à Saint-Etienne, elle était en rupture de stock. Elle était allée la chercher à Lyon. Et le gars, elle avait appelé, c'était King Jouet, je crois. Et elle avait appelé le gars, le King lui-même. Le King jouait, le vrai. Non, le vrai. Un mec qui s'appelle Patrick, qui est d'ailleurs charmant. C'est mais qui a été élu, hein, King. C'est pas le fils d'un gars. Il a buté un gars de là-bas pour avoir le royaume. Voilà. Et en fait, elle m'avait dit que c'était une tannée. Elle avait appelé le gars, tu vois, et elle lui avait demandé : est-ce que vous avez une voiture, une Batmobile, mais c'est la version du dessin animé, je sais pas si vous voyez. Et bien sûr, avec l'avion. Oui. Ah, oh, mon Dieu. Oui, putain, le gros kiff. Magnifique. Et dit, le gars lui dit, franchement, je vous le dis, il en reste 5. Maniez-vous. Voilà. Donc, c'est pas un jeu de mots, c'est pas un exactement. Jeu de mots. Exactement. Il a fait ce jeu de mots à la con. J'ai pas fait exprès. Et du coup, il y est pas allé finalement. Et elle l'a eu, et c'était le plus beau jour de ma vie, quoi. Je la revois comme ça, je dormais avec. J'ai dormi avec pendant vraiment 10 jours. Ta mère Oui, bien sûr. Merci, c'est comme ça qu'on dit merci. Exactement. Mais d'ailleurs, Amaury, tu parles des pubs à la télé, et à l'époque, il y avait une vraie ambition sur les pubs de jouets à la télévision. C'était il y avait comme des maquettes, des machines à fumer, il y avait des hélicoptères dans le ciel, il y avait des panneaux derrière. Etc. J'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment cette ambition pour les pubs de jouets aujourd'hui. Ah mais ça rendait vraiment dingue à l'époque. Mais c'est vrai, c'était pardon. Fou. Ils voulaient rendre les enfants fous, quoi. C'était hyper rapide. T'avais la voix qui parlait comme ça. C'était vraiment horrible, en fait. Et les Action Man avaient même. Ouais. Tous les Action Man avaient d'ailleurs des petits trucs d'animation. Ouais, t'avais des mini dessins animés. C'est fou quand même. Les mecs se cassaient vraiment le cul pour. Mais il y avait une pub aussi. Vous vous rappelez de ce jeu qui s'appelait La Course à l'Héritage? Ouais. Action Man, ce jeu. Le jeu est clairement pourri, vraiment. Il est naze. Mais la pub était... On dirait un film avec clavier, en fait. Ouais, clairement. Je pense qu'à mon avis, ils sont dessus. Et ouais, la pub était dingue. Mais c'est comme la pub sur les mystères de Pékin. Il y avait une vraie... C'était Charlie. Ouais. Ouais. Avec une belle voix de voilà, voilà. Naze. Ça peut être un décor de Chinatown, de Polanski, tout ça. C'est les mecs qui se prenaient vraiment la tête, quoi. Ouais, c'est Polanski qui l'a réalisé, d'ailleurs. Le mec avait envie de la tuer. Pas trop, mais... Ah, c'est assez ouf. Kalindi, une idée de cadeau que tu aurais eu? Bah, écoute, tu t'es appliqué pour le dire. Bravo. Comme... Oui, bravo. Non, moi, c'est très récent, en fait. J'ai fait un peu une phase Kalindi. du coup, on peut non, mais c'était très bien prononcé, bravo. Ouais. Moi, c'est très récent. Écoute, mon meilleur cadeau de Noël est arrivé pas plus tard qu'il y a une semaine. Et c'est mon canapé qui marque un peu mon entrée dans l'âge adulte. Ah ouais. Ouais. Puisque j'avais passé 4 putains d'années à dormir sur un clic-clac de merde. Ah oui. Un clic-clac ou un BZ? Non, un clic-clac. Ah, d'accord. Alors, un BZ, BZ aurait été mieux. Un BZ, c'est horrible. Ah non, c'est horrible le BZ. Alors, qu'est-ce que BZ? Alors, le BZ, en fait, le clic-clac, c'est celui qui, comme son nom l'indique, se clique et se claque. Ouais. C'est-à-dire, c'est un canapé qui fait clic et tu le déclues en canapé. Et le BZ se tire vers toi. C'est un futon. Voilà, tu vois, c'est un truc qui est sur le canapé. Et quand tu tires, ça devient un lit. Non, un futon, oui. Le clic-clac, la rainure, elle est au milieu. Exactement. Et une gouttière c'est ça, qui sépare les deux personnes. Et tu as vraiment une barre en plein milieu. Non, mais après, et le baiser, c'est à tous les tiers du lit, mais dans la longueur. Voilà. Tu choisis juste envie d'être... Voilà. Futon est pas un truc qui n'existe pas. Non, si, BZ, ça existe. C'est DBZ et c'est un dessin animé. Et j'ai défoncé le lino de mon appartement à cause de cette merde. Quand tu le tirais, mais c'est pareil avec le clic-clac, finalement. Tu le tires et puis ça, tu vois, ça troue ton tapis ou ça défonce ton parquet. Et en fait, j'ai passé 4 ans à me dire putain, je peux pas le blairer ce clic-clac de merde. Et je donnais des coups de pied dedans chaque fois que j'allais me coucher. Et maintenant, j'ai un canapé d'adulte. Tu vois, es Louis de Funès. Tu es dans un film de Louis de Funès. Si seulement, putain, j'aimerais tellement. En général, la majorité des clic-clacs vont avec un poster de Bob Marley juste au-dessus. Alors, et non, de Trainspotting. Moi, j'ai quoi? J'ai rien au-dessus, ouais. Exactement. Non, j'ai rien au-dessus, mais en réalité, maintenant, j'ai un canapé sur lequel je peux dormir, sur lequel je peux dormir avec mon compagnon. Genre, et en fait. Un canapé lit, quand même. C'est un canapé. Ouais. Oui, non, mais voilà, mon appartement s'est pas agrandi, mais en tout cas, j'ai ce canapé sur lequel je peux dormir correctement. Et vraiment, c'est le plus beau truc qui me soit jamais arrivé. Tu vois, chaque jour, je le chéris. Maintenant, j'ai acheté une table basse qui va bien à côté. J'en suis ravie, quoi. T'en es gaga? Est-ce qu'on peut dire que t'en es gaga? Ah, bah, j'en suis plus que gaga. Tu vois, ça va. D'ailleurs, vraiment... en parlant des canapés, qu'est-ce qu'on pense des gens qui laissent le plastique sur les canapés? Ah, le sang des putes, tu vois, les gens. Mais j'ai compris le truc, pourquoi il est comme ça, quand je le jetterai, il sera neuf. Non, c'est pas des gens qui ont des chats qui pissent. Moi, dans ma tête, c'est des gens qui ont des chats. Des gens qui laissent des plastiques sur les canapés et qui pissent. Non, mais attends, parce que moi, là, j'ai un canapé qui vaut une fortune. Il est en velours turc. Enfin, c'est un bleu sirène, tu vois, un bleu magnifique. Un bleu sirène. Ah ouais, tu vis dans Star Wars, pour moi. C'est un bleu sublime. Et tu vois, je me dis, je ne peux pas laisser les gens décemment boire de l'alcool ou même manger sur ce canapé. Je suis à deux doigts de plastifier mon canapé. Je te jure que je suis à deux doigts de le faire. Vraiment. En plus, le Nouvel An, je l'organise chez moi. Je peux te dire qu'il sera plastifié d'ici au 31 décembre. Pour le Nouvel An, je peux comprendre. Pour le Nouvel An, je peux comprendre parce qu'il y a forcément des tâches. Non, on y viendra tout à l'heure dans le Nouvel An. On reviendra aux tâches. Oui, il y a un spécial tâche. c'est une chronique qu'on fait à un moment. On parle que des tâches et moi, ça dure une heure. Intéressant comme sujet si on peut bifurquer sur un flot de casse canapé. Non, mais attends, de ton enfance d'enfant unique à Levallois-Perret, je m'attendais à des cadeaux bien plus grandioses. Ah bah le jour où j'ai eu mon poney, tu vois le jour. Tu vois, t'es un peu une salope, quoi. Camille, puisque tu es là, Camille, est-ce que tu as un souvenir de cadeaux que tu as eu qui t'avait kiffé de ouf? C'était ma Game Boy Color, j'avais droit à aucune console. Ma mère, elle détestait les consoles, donc j'avais pas le droit d'avoir une console, tu vois. Aucune, ça rend débile, rien, zéro, voilà. Donc le jour où j'ai eu une Game Boy Color, j'étais assez saucée. Bah oui, je comprends. Quel a été le premier jeu? T'es rose. Et j'avais Tintin au Tibet. On s'éclatait sur Tintin au Tibet. Ouais. J'avais Rayman, j'avais des trucs de ouf. J'avais Papyrus. Très stylé. Papyrus, putain. Ah, de la BD, l'adaptation de la BD en jeu vidéo. Ah, putain. Oui, pas l'adaptation de la police de ta. De World. Non, non, ça serait un jeu très triste. C'est Avatar. Oui, c'est ça. Les amis, je vais vous bifurquer du coup vers le Nouvel An. Wow. Ah, parce que. Allez, bifurque nous. Je me permets. Bifurque, ça vous embête pas. Bifurque. Voilà, je vous prends par la tête, je vous bifurque tout doucement. J'ai ma petite main sur une épaule. Petite dédicace à Lucien sur le mot bifurquer. Oui. Ça doit lui faire plaisir. C'est un mot un peu rigolo, voilà. C'est vrai. Les jours de l'an, pour ou contre? Le fait de changer d'année, parce que sinon on serait jeune à vie, ce serait génial quand même. Non, parce que déjà, vous êtes team, parce que je me rends compte en vieillissant. Team gros stuff ou team non mais on mange des petits canapés sur nos canapés ou et on regarde plastifié et on regarde Nikos Aliagas. Moi déjà je suis team soirée de loser depuis c'est la tradition, j'ai vraiment une accumulation de soirées nulles. Ou alors t'es un loser. Je me demande si ça va pas te perdre. En fait. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi oui, voilà, j'ai envie de te demander la définition d'une soirée type de loser. Parce que ça on se lance sur les anecdotes de soirées de jour de l'an. Ah, tu peux, ouais, vas-y. Supplie. En fait, moi je suis né à Drancy, j'ai grandi à Drancy et à Bobigny dans le 93. Oh, comme ma mère. C'est pas grave. Donc du coup, fallait se rattacher aux soirées parisiennes et c'est très compliqué quand tu viens de banlieue, vraiment. D'ailleurs, je voulais vous le dire, on fait toujours des soirées parisiennes. Je préférerais qu'on fasse vraiment des soirées brésiliennes. Ah, oui. Voilà, ouais, je vous le dis. Ouais. Et du coup, voilà. Et en fait, quand on avait 18 ans avec mon pote Mehdi, on a commencé un peu à sortir à Paris et c'était vraiment genre la sensation de sortir à Paris quand tu viens de banlieue. Oui. Et en fait, on allait dans des soirées qui s'appelaient la Johnson à l'époque. Je sais pas si ça parle aux gens. C'était où? Ça bougeait en fait. C'était délocalisé à chaque fois. Et en fait, on avait rencontré un mec là-bas qui s'appelle Johan. Et en gros, on avait vachement accroché. Et en fait, un soir de jour de l'an, il nous dit bah, les mecs, venez à telle soirée appartement pour le jour de l'an. Donc nous, on était à fond parce qu'on avait toujours passé les jours de l'an chez nos mères. On n'avait jamais rien fait, quoi. On n'avait jamais passé un jour de l'an cool. Et donc, on va à ce jour de l'an. Et lui, quand on arrive, il est déjà en train de parler avec une russe sublime, vraiment. Et on se dit putain waouh c'est quoi cette soirée, il y avait des meufs qui étaient vraiment bonnes partout et tout. Pour nous c'était la folie quoi, c'était la première fois qu'on voyait ça quoi, c'était dingue. Et donc voilà, et là le mec nous dit bon bah les mecs faut qu'on parte en fait parce que moi je rentre avec elle donc et nous à ce moment-là il est 22h, on vient d'arriver, bon bah on sait pas trop quoi faire. Le concept du nouvel an en plus c'est que ça commence vraiment vers minuit normalement. Oui voilà. Mais lui bon bah je sais pas, il parle avec cette meuf et puis il décide de partir. Et là on lui dit bah attends on vient avec toi et tout, tu sais comme vraiment deux mecs. La tristesse. Parce qu'on pouvait pas, on avait pas le droit de rester chez son pote en fait. Et voilà, et donc en fait on le suit comme ça et on le suit jusqu'à chez lui. On sentait qu'il était un peu saoulé qu'on le suive. Oui, oui, a priori. Peut-on dire pour des raisons assez évidentes. Hein, mais oui, mais oui, je crois. Oui. Et en fait on avait espoir qu'il bifurque sur une autre soirée. Quoi. Et donc voilà, et en fait il va Ken, jusqu'à. Ken a priori, il allait vraiment Ken chez lui. Je pense. n'allons pas trop vite en besogne. Et donc il va jusqu'à Terne, donc il habitait à Terne. Et là le mec il nous dit bon bah là c'est chez moi, donc en fait il y a ma mère qui habite là-haut. Ouais. Mais écoutez, restez dans le hall. Et puis je reviens. Et là il va dans le parking. Et en fait il baise la meuf dans le parking en fait. Donc, il baise la meuf dans le parking. Et nous on attend. Mais vous êtes où là? Nous on est dans le hall de son immeuble en fait. Et on attend dans l'espoir qu'il y ait vraiment une soirée après. Donc on pensait qu'à ça quoi. Et là il revient. Et là on se dit comme il revient seul, on voit la meuf partir et tout. Et là il fait alors qu'est-ce que t'as fait etc. Ouais, je l'ai baisé dans le parking derrière une voiture et tout. Franchement, on trouvait ça ouf, nous. Et en fait, il nous fait bon, bah les mecs, là je suis fatigué donc je vais monter là-haut et tout. Donc voilà. Salut. Enfin, lui, il avait baisé, sa soirée était terminée, il avait aucun intérêt à repartir ailleurs quoi. Et là, on lui dit, et à ce moment-là, il était déjà tard dans la soirée, il était 1h du matin, minuit ou 1h du matin, je sais plus. Ah, donc t'as quand même fait la bonne année, t'as fait la bise. Non, c'était plus tard, on avait dû partir vers 23h30, un truc comme ça. D'accord, ok. Et donc, il n'y avait plus de métro à ce moment-là. D'accord. Et nous à l'époque on n'avait pas d'argent en fait. Si on avait 20 euros tous les 3 mois c'était déjà bien quoi. Et donc on n'avait pas d'argent pour le taxi et on se retrouve dans le hall et il nous dit bon bah moi je vais dormir mais si vous voulez vous pouvez rester là au chaud dans le hall. Sympa. Le mec. Bah c'est la magie des fêtes de fin d'année. Ouais, c'est beau, avec le recul on se rend compte que c'est un gros fils de pute. Bah non mais en même temps je comprends sa position. Non mais il venait de baiser, il pouvait être détendu un peu quand même. Non, mais attends, il vivait chez sa mère le mec. Il vivait chez sa mère, c'est pour ça qu'en fait il allait dans le parking. Il a laissé le droit de squatter le hall. Il faisait très sympa. Sympa, il faisait vraiment froid et on avait le droit de rester dans le hall. Pour moi, c'est quand même un gentleman qui dit viens chez moi, en revanche, il y a ma mère, on va baiser dans le parking. Je fais oh bah baise-moi directement la soirée, hein. T'emmerde pas. Et donc, du coup, là, on sait qu'on a à attendre jusqu'à 6h du matin pour le premier métro. Et donc, on attend, on est au troisième étage de l'immeuble, on est sur le hall et tout. Et je me souviens d'un truc qui m'avait marqué et c'est vraiment la petite anecdote de fin badante de l'histoire. C'est qu'en fait, donc là, lui, il est à moitié en train de dormir, mon pote, moi, je suis à moitié réveillé. Et là, on entend un bruit d'ordinateur qui s'allume dans un appart. Donc, avec le bruit de Windows, genre tout, comme ça. Ouais. Et c'était Bill Gates. Et après, en fait, et donc on se dit, waouh, je sais pas, un mec allume son ordi. Et en fait, il se mettait un film de boule et on entendait se branler, en fait. Et c'était vraiment. Et à ce moment-là. Attends, le mec vient de Ken. Non, non, pas lui, c'était un autre mec. Ah, un voisin, d'accord, en fait. C'était un immeuble. Bah, après, pourquoi pas, mais c'est l'immeuble de la débauche. Et en fait. Le mec, ouais, on entendait le film de cul, puis j'imagine qu'il se branlait devant. Quoi. Ah, parce que oui, parce que tu t'as dit, on l'entendait se branler. Ouais, enfin, on entendait le film de cul, donc j'imagine que s'il allume son ordi à 3h du matin, oui, rarement, généralement, ouais. Voilà. Et donc, du coup, on se regardait avec notre pote, et sur l'instant, c'était très difficile, mais après, quand on y repense, finalement, c'était assez marrant. On bande. T'as branlé ton pote. Voilà, ouais, clairement, et en fait, l'année d'après, on avait refait un jour de l'an avec lui, dans l'espoir que ça allait mieux se passer. Et ça s'était encore mal passé. Mais vraiment, pourquoi tu fais ça? Ils se sont dit, parce qu'en fait, le dernier Nouvel An était fou. C'était exactement notre seul plan du jour de l'an. Ah non, voilà, en fait, le jour de l'an, c'est encore pire l'année d'après. Parce que l'année d'après, il dit, ouais, bah revenez les mecs, il y a une soirée chez un pote. Il a percuté en bagnole dans le parc. Et finalement, on arrive à la soirée et il y était carrément pas. Donc on n'a même pas pu rentrer. Ce qui fait que comme il était encore assez tôt, on est revenu à Bobigny dans le métro. Et je m'en souviens toute ma vie. On était dans le métro, il était minuit. Et le métro s'est arrêté parce que je sais pas, il y avait un problème. Donc ça s'est arrêté au milieu des rails. Et là il y a le conducteur qui a dit: mesdames et messieurs, bonne année à ceux qui sont dans le wagon. Et genre on devait il devait y avoir un cloche-pipe, juste moi et mon pote, une meuf. Et puis on s'est regardé tous. Ouais, bonne année, comme ça. Pire jour de l'an, quoi. Le sourire vraiment poli de... T'es toujours en contact avec Johan? Ouais, on est toujours en contact. Mais après finalement on a fait... Il propose toujours des super plans comme ça. Non, mais en fait on a fait beaucoup de soirées après, beaucoup mieux. Mais ouais, les débuts étaient compliqués. On l'embrasse, allez, on l'embrasse. Yes. Kalindi, un souvenir de jour de l'an un peu nul? Ouais, tout à fait, ouais. Ça va être long du cul, hein, alors. Ouais, vraiment, on a le temps. On a le temps, ok. Alors, mon histoire, elle commence le 30 décembre déjà. J'allais à Solliès-Pont, un petit bled non loin de Toulon. On les embrasse. Et en fait, je vais chez une copine que j'ai depuis des années et des années. Et sa grand-mère a une grosse baraque avec une piscine. Et elle nous dit, bah, venez. On va faire une petite soirée pour le 30, juste avant le Nouvel An. Moi, le Nouvel An, je vais le passer à Marseille avec des potes. Le 30, on arrive, on picole, tout se passe bien. Et le soir, il n'y avait pas de Saint-Jacques, il n'y avait rien. Donc tu peux y aller. Et le soir, je me dis, bah, tiens, c'est marrant, je me sens un peu fiévreuse. Bon, il est 10h du soir, tu vois. 11h, je commence à sentir une douleur en bas à droite de mon ventre. Et je me dis, putain, j'ai l'appendicite. Ouais. C'est pire, pauvre ami. Donc je me dis, j'ai une merde. Bon. Sauf que en fait, tout le monde était sous, donc personne ne pouvait m'amener à l'hôpital. Et en fait, on s'est dit, bon, bah, écoute, on va se coucher et demain, on verra bien ce qui se passe. Donc mes amis, ces fils de pute, me disent, bon, bah, va te coucher, demain, ça ira mieux. Donc je vais me coucher à minuit. À 2h du matin, je me réveille, le ventre bleu, vraiment bleu, le ventre dur. Ouais. Et je rampe jusqu'à la salle de bain. Je suis malade et je m'allonge par terre et j'appelle mon mec et je lui dis, je vais mourir. Merci d'appeler l'ambulance et l'hôpital le plus proche. Sauf que le 30 décembre, personne ne veut se déplacer, en fait. Et non, personne. Pourquoi? Donc, en tout cas, pas vers Toulon. Personne ne veut se déplacer parce qu'on estime que soit t'es trop sous, soit t'as un souci qui est dû au fait que t'as mangé trop de raclette ou tu vois, trop de gâteaux parce que c'est la fin d'année. Je sais pas si c'est vraiment une règle générale. Je sais pas, écoute, j'en sais rien, tu vois, mais en tout cas, personne ne voulait venir. On finit par appeler le SAMU. Le SAMU finit par se déplacer. Ils arrivent une heure après que je me sois sentie mal, etc. Et ils me disent, bon, alors on a ses règles ou alors on n'a pas fait caca aujourd'hui? Je lui dis, bah. Oh putain, le vraiment, c'était Johan. Tu vois. Je dis, vraiment non, je me sens pas bien, tu vois. Je pense que je vais mourir d'ailleurs. Tu fais, oui, ça doit être ça, ça doit être les règles. Pardon, bah vas-y, je vais aller j'ai mettre. J'ai pas l'habitude, tu vois. Donc, on va chier, qu'est-ce que je te dis? Le gars. Ils finissent par arriver et ils me mettent sur un... Comment on appelle ça? Un brancard. Un brancard. Ils me foutent dans l'ambulance. On arrive... en fait, on était au bout d'une route terreuse. Donc, c'était vraiment un truc où il n'y avait pas de lumière. Ouais. C'était un casse-tête. C'est la province. C'est la province, quoi. Donc, Solliès-Pont. Et impossible pour eux de trouver l'endroit où on était. Donc, on doit leur faire des appels de phare. Finalement, ils arrivent. Ils m'emmènent à l'hôpital. Et je suis diagnostiquée vers 7h du matin où ils me disent, bah, vous avez une gastro, rentrez chez vous. Là, on est le 31, du coup, là. Là, on est le 31, okay. Ils me donnent du Smecta. Donc là, t'as le ventre bleu, ils disent, vous avez une gastro. Oui, exactement. Donc, ça fait 10 heures que t'es dans ça le mal fait, le plus total. Ouais, ça fait 8-10 heures que je suis pas bien, tu vois. Okay. Ils me disent, bah, vous avez une gastro, rentrez chez vous. Je leur dis, écoutez... C'est Rémi Gaillard, le médecin. Et ils, vont... et ils vont voir mon mec et lui disent, votre meuf est hystérique, donc venez l'aider, on sait pas quoi faire pour la calmer. Moi, j'étais en train de hurler, ils me donnent du Xanax. Et je suis pas bien. Finalement, je demande un deuxième avis médical. Je vois quelqu'un qui me dit, bah, en fait, vous avez un ovaire qui a éclaté, voilà, en toute simplicité. Ah, le gars est à la cool, hein. Non, ça, bon, ça va, ça passe. Tu vois, tranquille, vous avez un ovaire qui a éclaté, vous devez être opéré dans la demi-heure. Ah, d'accord. Ah, okay. Tu vois, on est sur une urgence médicale assez donc, importante, quoi. Pas si bête les règles, hein, au final. Et oui, pas non, si loin. Non, mais on était pas loin, tu vois. Sur une piste. Bon médecin. Donc là, je suis opéré dans la demi-heure, je sors en pleurant, parce que tu sais, quand tu te réveilles d'une opération lourde, c'est en général, t'es pas bien et tout, et je vais dans ma chambre, il m'emmène sur le brancard, je vois mon mec qui s'était mis un costume, comme il avait prévu de passer le Nouvel An, en costume avec une bouteille de champagne et du poulpe, tu vois, et il dit, bah, le grand bonne prince, année. Et en fait, on m'a donné de la morphine et j'ai passé le 31 sous morphine à regarder Patrick Sébastien finalement parce que c'est tout ce qui passait à la télé, tu vois. Non, mais vous avez l'air désolé, mais moi, c'est le meilleur nouvel an de ma vie. La morphine, je me suis dit, c'était bien quoi. Bah, attends, j'étais dans un état mais surréaliste, j'étais bien, j'allais faire pipi, j'étais comme sur un nuage, je faisais des grands gestes avec mes bras, tu vois. Et mon mec était paniqué, je lui disais, mais non, mais moi, ça va très bien, je suis hyper contente, regarde, tu manges du poulpe, moi, je fais rien, je suis juste en train d'aller essayer de pisser, et puis voilà, c'est tout. Oui, donc t'étais dans un hôpital, les urgences, c'était pas possible. Moi, j'aurais quand même peur que, enfin, genre, à mon avis, les urgences du 31 au 1er, ça va être un enfer en termes de. Et en fait, le truc, c'est qu'ils m'ont mis en soins obstétriques, et du coup, il y a peu de personnes finalement, tu vois, c'est pas les urgences générales où t'as tous les gens qui ont la grippe et la gastro pour de vrai. Donc là, t'es dans un service spécial et finalement tout le monde s'est super bien occupé de moi. Mais le truc rigolo, c'est que vraiment, je te dis, j'ai regardé la télé, j'étais passionnée par ce qui se passait, j'étais foncedée comme jamais je l'ai été de ma vie, et finalement, ça reste un bon souvenir. Ah tu non, vois ouais, je te crois à 1000%. Mais franchement, c'est la seule fois que je me suis pas fait chier un jour de l'an. Donc, Parce que d'habitude, tu fais chier un peu. Ah, je déteste ça, le jour de l'an, on se fait chier la bite. Cette année, là, je le fais chez moi, et je me dis, bah pour une fois, on va peut-être pas se faire chier à zoner dans Paris, à chercher un Uber. Ah oui, d'accord, ok, moi j'ai pas cette version-là du Nouvel An, mais d'accord, oui, c'est intéressant. T'as jamais fait le Nouvel An à zoner dans Paris? J'ai jamais fait déjà le Nouvel An à Paris. Ouais. Je crois. Ou alors moi, j'ai eu une phase où je me complaisais dans ma propre nullité. C'est-à-dire, j'adorais ne rien faire au Nouvel An et être seul chez moi. En fait, j'étais en coloc et je vivais pas très bien la coloc. C'est pas fait pour moi la coloc. Donc, les vacances de jour de l'an, de Noël jour de l'an, eux partaient dans leur famille ou revenaient aller voir, faisaient des jours de l'an chez leurs potes. Quoi. Donc j'étais tout seul dans un très grand appartement parce qu'on était trois colocataires. Donc à Saint-Denis, on avait même une maison en fait. Oh là oui. Ouais ouais. Donc en fait, on avait beaucoup beaucoup de place. Et pendant deux, du coup, je suis resté combien de temps? 3 ans là-bas. J'ai fait deux Nouvel An consécutifs que j'ai surkiffé où je suis allé au KFC. À 21h, yes. Je me le suis pris. Le bucket. Je prenais mon bucket. Je prenais un bucket pour trois seuls. Ouais. Ok. Je prenais 4,5 litres de Pepsi. Okay. J'allais dans le salon. Et je me mangeais ça à poil. Non, non, mais en. Ouais, alors pas à poil parce que mon corps me dégoûte. Mais en calbut t-shirt. À regarder des trucs sur Netflix. En plus, c'était mes premières années. Netflix venait d'arriver en France. Ouais. Et donc, je me souviens d'un Nouvel An où j'ai regardé Chaplin avec Robert Downey Jr. et à la fin du film, je fais oh putain, minuit 24. Ah bah. Ça y est, se coucher. C'est le Nouvel An. Non, et je me couchais méga tard. Je me couchais à 6h du matin parce que je regardais la télé, je jouais à la PlayStation. Et en vrai, de vrai. C'est bien, moi, j'aime c'est bien. Mes meilleurs souvenirs de jour de l'an, même si j'ai fait plein de teufs qui étaient chambés où je me suis grave marré avec mes potes. Bah, c'est mieux qu'un ovaire éclaté, tu vois. C'est mieux qu'un ovaire éclaté. Relatif, mais non, mais même je trouve ça mieux que plein de teufs que j'ai fait et qui étaient super. Hein. Mais j'avais un truc de liberté qui était tellement kiffant. Je comprends ce truc parce que en fait, moi j'ai vécu à Montréal en 2008 et quand je suis arrivé, je connaissais strictement personne. Et en fait, à l'époque, il y avait un film que j'attendais avec impatience, c'était The Wrestler d'Aronofsky. Ouais. Et je l'attendais vraiment, vraiment ce film. Et comme je connaissais personne, je me suis dit, bon, bah je vais aller au ciné le 31 au soir. Et j'étais allé voir ce film. Et en sortant du film, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'étais vraiment dans une ambiance Wrestler un peu dark et tout. Et en fait, je vois une sorte de bar comme ça sur le chemin pour rentrer chez moi. Et je me suis dit, tiens, je vais vraiment me faire une ambiance à l'américaine. Je vais aller dans ce bar. Stylé. C'était vraiment un bar à la over the top avec un mec cool, qui jouait une machine à sous au fond, juste deux mecs au bar, etc. Et je suis rentré, j'ai commandé un whisky alors que je bois jamais d'alcool. Il y a un mec qui a fait, le mec français. Est vraiment dans l'ambiance. Ouais, et genre vraiment avec la serveuse derrière le bar, un peu dure, un peu vieille et tout machin. Et elle me sert le whisky. Et j'ai bu une gorgée, ça a vraiment piqué. Genre, j'ai fait vraiment une grimace d'enfant, quoi. C'était vraiment horrible à boire. Et en fait, j'ai pas fini le verre de whisky. Je suis parti au bout de 5 minutes et tout. Je trouvais ça vraiment badant comme ambiance. Mais en fait, c'était un de mes meilleurs jours de l'an parce que je sais pas, il y avait vraiment une ambiance autour de gens. Alors que j'étais vraiment seul, quoi. Donc, mais surtout que moi, en plus, les trucs, j'aime bien les soirées parce que j'adore danser, parler fort et prendre un micro et accaparer l'attention. Ah bon? Oui. Mais moi, je bois pas. Et vraiment, en fait, il y a un moment où la fête devient, faut qu'elle s'arrête, quoi. Ce qui n'est pas forcément le cas des gens qui sont un peu éméchés ou tu vois, le temps d'un coup se ralentit et ça c'est vers 3h30 à peu près. À 3h30, moi, j'ai envie de me barrer, de me coucher. Et là, ça fait quelques jours de l'an que je fais pas chez moi, genre on loue des maisons, on fait des trucs un peu. Voilà, on est bourgeois, putain. Non, mais tu vois, on est une trentaine. Mais en vrai, c'est des gens riches. T'as vu l'appart un peu où on est Non mais donc du coup c'est sympa. Et moi en fait du coup à chaque fois j'essaie de tanner ma meuf en disant, tu sais que je bois pas, donc potentiellement on peut prendre la voiture à 4h30 et rentrer. Et puis elle fait bah non, parce que moi je suis par contre ivre morte. Donc même si je suis côté conducteur, je vais gerber dans une voiture en fait. J'ai aucune envie de finir mon jour de l'an comme ça. Et même si je m'amuse beaucoup à ces jours de l'an, il y a toujours un moment. En plus moi j'ai un truc un peu épidermique de ah ça y est, faut que ça s'arrête, faut que je rentre chez moi. Faut vraiment que je rentre, parce que là je déteste, j'ai pas envie de parler. Bah, être la seule personne pas bourrée à une soirée, c'est rarement très très marrant. Mais quoi. Moi ça va, je te dis, ça va jusqu'à un certain non, point. Tu viens de dire l'inverse. Non, non, c'est ce que je viens de dire. Non, ça 3h30 en tout cas. Voilà, j'étais à 3h30, j'adore parce que les gens me trouvent trop marrant. Tu vois, on peut vraiment mettre de la musique très nulle à fond, on peut chanter, on peut faire des trucs. Et après, moi, ça y est, faut que je rentre chez moi et que tout ça s'arrête, quoi. Il y a des teufs, Amaury, toi tu fais des teufs un peu En fait, ouais, je fais des teufs, ouais, normal, mais le 31. C'est pas normal, il y a des gens qui font ça. Non, le 31, j'aimais pas ça. Parce qu'en fait, à Saint-Étienne, on revient toujours à la base, si tu veux, on faisait toujours des teufs dans des garages, tu vois. Ouais, c'était insupportable. Des garages tout pourris, tu vois. Et donc, du coup, je sais pas, mais même maintenant, quand je vois un garage, j'ai envie de faire un décompte, tu vois, il y a un truc comme ça. Non, mais c'est insupportable. Parce qu'on faisait toujours des fêtes là-bas, et il y avait toujours des potes de potes de potes qui débarquaient. Puis qui sont relous, souvent. Qui étaient surtout, donc à Saint-Étienne, il y avait des gens, très énervés, parfois, et qui avaient envie de se taper. Ah oui, c'était le délire. Et en fait, ils venaient foutre la merde. Ils venaient de fête en fête et ils voulaient se péta, clairement. Ah, l'enfer. Et voilà, c'était hyper. Ouais, toi, t'es un bagarreur. T'es un peu un bagarreur. Des fois, ils balançaient leur pitbull sur des gens. Exactement. On avait des capuches, donc de toute façon, c'était la base. Et ouais, donc c'est pas un bon souvenir, tu vois, le nouvel an. Et depuis que je suis à Paris, j'ai envie de rien faire. On est d'accord. Voilà, le plaisir que j'ai, ouais, c'est. Et tu le fais ou t'as juste envie? Non, tu traînes à des soirées. Ça dépend. J'ai passé des soirées où je voulais rien faire, vraiment. C'était mon truc, c'était pareil, me mater une série, me mater un film et être tout seul. Et là, depuis quelques temps, avec ma meuf, c'est se faire un petit, je sais pas, une petite soirée à la cool tous les deux. On kiffe, quoi, tu vois. Super. Parce qu'il y a un vrai. Ouais. Je sais pas si vous avez ces potes-là qui vous disent tout le temps: putain, t'as un truc de prévu, toi, ou pareil pour le nouvel an? Parce que moi, j'ai rien. Et je suis un peu en transpi, là. Du coup, qu'est-ce que t'as? Je peux venir à une soirée ou pas? Parce que moi, j'ai rien du tout. Je dis, mais gars, ne panique pas, c'est pas grave. Ouais. Si tu ne fais rien, il n'y a pas de souci. Et tu sens chez les gars le besoin de faire absolument un truc et de s'éclater, tu vois. Mais même artificiellement, ils s'en foutent. Ils veulent aller à une soirée. Moi, je me souviens, quand j'étais ado, je ressentais cette pression en mode: si toi t'as rien, t'es vraiment un loser, quoi. Ça commençait début décembre. Généralement, c'est: t'as un plan ou pas? T'as un plan, toi? Moi, j'avais jamais de plan, donc j'étais en transpi à chaque fois. Mais parce que tu trouves que ça a disparu, tu vois. Non, mais même maintenant, j'ai l'impression que ça a pas disparu. Faut avoir un plan pour le 31. Ah oui, tu trouves que. Moi, j'ai pas de plan pour le 31. Mais viens à la maison. Je veux aller plastifier un canapé, ça va être chambé, putain. Mais ouais, j'ai pas de plan pour le 31, mais bon, je suis plus vraiment transpi maintenant, je m'en fous. Mais tout le monde pose la question, quoi. Alors, t'as un truc pour le 31, machin et tout. Ouais. Non, moi, je trouve que c'est, ouais, c'est parti, ce truc-là. Il y a plus de pression, quoi. J'avais un pote, pareil, le 30, il m'appelait tout le temps. Il me disait: viens, on va à Montparnasse. Tu sais, son trip, c'était à Montparnasse. Qu'est-ce que tu fais? Surtout, je lui disais: mais t'as une soirée, t'as une adresse? Non, je sais pas, mais à Montparnasse, il y a du monde et tout. Viens, on y va. Si, mais y a pas des boîtes de nuit un peu pétées à Montparnasse? Si, y a des trucs. Pour lui, c'est le Times Square. C'est ça. Le gars vient de Lille, je sais pas, il a dû entendre un jour qu'à Montparnasse il se passait des choses. Et un jour, je l'avais suivi et c'était clairement infâme, quoi. On a zoné dans Paname de vieux bar en vieux bar, c'était nul. Ah, l'enfer, putain. Du coup, ouais. Et puis lui, en plus, il était dans un chagrin amoureux. Il me disait: ouais, tu penses que je rappelle ma meuf? J'en avais strictement rien à foutre. Enfin, tu vois, j'avais envie de passer une bonne soirée. Lui me faisait chier avec cette histoire. Ça met, ça met des années sur des mauvais rails, en fait, en plus. Ouais, tu commences mon année au pire endroit. Ouais, tu démarques là-dessus, et puis après, tu la racontes cette soirée. Ça ne peut aller que mieux aussi, on peut aussi dire ça. Oui, c'est vrai. C'est le côté positif. Oui, je me souviens, moi, j'étais très énervant parce que, comme j'habitais à Bobigny, bah, les peu de fois où j'étais invité à des soirées, j'étais vraiment celui qui partait le dernier avec mon pote midi. On partait vraiment à 6h30 quand la meuf en avait marre, tu vois. Il n'y avait plus personne à l'appart. Genre, était en mode: bon, bah dégagez, mais on est obligé d'attendre le premier métro, en fait, quoi. Donc, Oui, c'est vrai, il y avait cette histoire de métro. Je crois que ce qui fait ce suspense annuel, c'est justement qu'on n'a pas de tradition pour ce jour-là, tu vois. Chaque année, c'est. Pourquoi tout le monde pose la question? Parce que chaque année, on se repose tous la question. Alors, en fait, c'est qui mes potes cette année? Chez qui je vais? Tu vois, où en suis-je dans ma vie? Oui, parce que Noël, t'as pas le choix, c'est la famille, quoi. Voilà, Noël, tu sais à peu près. Enfin, nous, vraiment, ça fait 25 ans qu'on bouffe tous la même chose. On sait où on va, tu vois. C'est simple. Et le nouvel an, bah, t'es quand même censé un peu fêter le machin. Et tu sais jamais où, comment, pourquoi. Et oui. C'est voilà. Allez, non, mais c'est d'autres portes ouvertes. À ne pas m'inviter dans des podcasts. Si, je m'incrusterai de toute façon. En vrai, tu dis quelque chose. Je vais même rebondir sur ce que tu as dit. Allez, rebondis. C'est-à-dire que moi qui étais en Bourgogne, dans une petite ville. Moi, j'étais en Ardèche. Hein, pour, non, mais on est sur les mêmes délais. Ouais, en fait, tu viens de Saint-Etienne. Ouais, c'est clairement la même ambiance. Les villes les plus connues sont finalistes à Interville, on les connaît. mais moi, le truc, c'est qu'en plus, il y a. Lâche la perche. Pas les pieds. Non, il y avait un vrai truc de. Il y avait peut-être trois fêtes, nous, en fait. C'est-à-dire que vu que c'était un petit lycée, il n'y avait pas 11 milliards de plans quand t'étais ado. Et donc, du coup. Ne pas être invité à ne serait-ce que deux était le couteau sous la gorge. Ah ouais, en fait. c'était pas bien. C'est ça. Ah oui, et moi, ça va, au lycée, j'avais une bande de potes, on était assez nombreux, donc on faisait vraiment un beau jour de l'an et on demandait à Noël de la thune pour cotiser pour une salle des fêtes qu'on louait au jour de l'an. Ah ok, d'accord. Mais donc c'était un vrai truc quoi. Non, au lycée ouais. Au collège de la merde. Tu faisais c'est... ça aussi? Bah non, mais c'est symbolique aussi quand t'es jeune parce que c'est les premières soirées où t'es légitime à faire un truc de ton côté avec des potes. Vous enfin, le faisiez pas dans cas, des garages? Moi j'avais des parents autoritaires non, et c'était les premières soirées où j'avais un peu le droit d'aller faire un autre truc parce que c'est le 31 et que c'est normal dans la société, tu vois. C'est pas n'importe quoi. Ouais, mais je suis complètement d'accord. Et il y avait un truc aussi de. Nous en fait, en plus, moi j'étais pote avec beaucoup de gens plus vieux. Des gens de 47 ans. des gens. Mais de des, ouais, non, mais des gens qui avaient 1 à 2 ans de plus que moi. Donc il y avait des gens qui avaient le permis, tous ces trucs-là. Moi j'étais en wow. conduite accompagnée. Wow. Donc en vrai, je conduisais, mais je le disais pas. Enfin, tu vois, c'était la Bourgogne. Hein, les gens vérifiaient. C'était, ouais, ouais. c'était la soirée où tu pouvais te déglinguer, quoi. Ouais, moi je buvais pas d'alcool. Donc ah, oui, vrai, moi je pouvais ramener des gens. Tout le monde a le permis ici autour de la table? Non. Mais non, Levallois-Perret, on t'a dit. Je viens de Levallois, laisse-moi tranquille. Alors que moi je viens de Bourgogne, donc c'est une nécessité. Voilà, pour pas avoir envie de te flinguer. Donc effectivement, on va. On loue cette salle des fêtes et on avait loué la salle des fêtes de Mou-en-Morvan. Alors je sais pas si des gens connaissent. Non, non, on connaît super bien, tu rigoles, on est là chaque semaine. Si je dis oui, ou... ah, j'aurais adoré, t'aurais pris dans mes bras, je pense. Hein, parce que j'ai besoin de parler de Mou-en-Morvan. Embrasser. Ah ouais, j'ai des choses à dire sur Mou-en-Morvan. Et donc on va à cette salle des fêtes et en fait c'est des salles des fêtes où même ne serait-ce que y aller, c'est en fait un chemin de croix parce que bah, pour le coup il y avait beaucoup de neige, beaucoup de verglas, des routes pas entretenues. Donc ne serait-ce qu'y aller. Tu mets une heure et demie alors que c'est à 20 km. L'enfer. Ouais, c'est vraiment un chemin de croix. C'est un film d'horreur. Tout ressemble à un film d'horreur. Tu vois pas à 3 mètres en bagnole avec les phares. Il y a des animaux qui passent. Bien sûr. Ouais, c'est la Haute-Loire. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est la Saône-et-Loire. Donc en fait, il y a des sangliers. Non, mais, des, en Haute-Loire. Parce que oui, c'est pareil, vous. C'était le même délire. C'est ça. Et on arrive à cette salle des fêtes où. Le côté cool, c'est que tu es tranquille, tu ne fais chier personne. C'est une salle des fêtes au milieu de nulle part. Ouais. Tu peux mettre la musique à fond. Nous, tous nos potes, on écoutait du métal. T'es très un groupe de métalleux, hard rock métal. Ouais. Donc on mettait, tu vois, c'est un peu kiffant. Tu fais ta teuf avec tes potes. Ouais, tu pouvais t'éclater comme tu voulais. Et t'as la musique que t'aimes et tu fais, voilà, bref. Il y avait des meufs ou juste des mecs? Et alors, justement, j'allais y venir. Il y avait quelques meufs. Vraiment pas assez pour le nombre de mecs, puisqu'évidemment Bourgogne, donc évidemment uniquement des hétéros et des gens qui veulent vite baiser. Et du coup, le nouvel an avait en plus cette pression, en plus de des potes, c'est il va falloir baiser. C'est-à-dire que c'est quand même le moment, c'est, on fait très peu de teuf. Et t'avais déjà baisé à cette époque? Mon pauvre ami. gros baiser. On est l'an moins 4-5 déjà. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Non, on était très loin. L'envie, par contre, était déjà depuis bien 8-9 ans. Donc ouais, non, c'est genre le graal inatteignable. Et évidemment, un échec constant. Et la pire année pour moi, ça a été un nouvel an où des potes s'embrouillent un peu bourrés, mais en mode blague. Et il y en a un qui en plante un autre. Mais non. C'est-à-dire qu'il lui met un coup de couteau. Mais dans un truc. Pas énervé, mais pas dans l'intention non, de tuer. Non, le petit coup de couteau sympa, en fait. Le petit coup de couteau jovial, tu vois. Non, mais il était énervé, il avait pas pu ramener son pitbull. Enfin, bon, bref, on comprend. Non, en vrai, c'était horrible. Et le gars se prend le coup, et en fait, c'est trop bizarre parce que moi, j'avais une image du coup de couteau qui était genre Halloween ou Psychose. Donc, en fait, tu le prends et tu fais et tu t'écroules, même si t'es que blessé. Et lui, mon pote, était genre putain, tu vois. En fait, le gars le menaçait comme ça. Ah d'accord, il a mis un coup, est parti, côte, le coup hein, est parti ouais, priori, à côté du foie. Il a été, c'est important. Oh la vache. Et il fait putain les gars, non je saigne et et du coup il fait donc là on fait et ce qui est drôle c'est qu'on a eu allez 5 secondes mais 5 secondes c'est énorme de ah bah oui donc là faut aller à l'hôpital en fait sur le moment le gars saigne et on dit ah mais peut-être je pense que t'as 5 secondes c'est peut-être pas si grave peut-être c'est chaud la Bourgogne en fait, hein. Ouais. Non mais et donc on l'emmène à l'hôpital avec du gros métal vénère derrière ouais. Non mais ce qui est très bizarre c'est qu'après coup moi je ne l'ai pas emmené à l'hôpital c'est sa meuf qui l'a emmené non mais sur le moment moi je en fait, on était un peu perdu. Moi, je l'ai même pas vu le coup de couteau. C'est-à-dire que là, on fait, y a un machin qui s'est pris un coup de couteau. Tu vois, je dis pas les prénoms. Ça a dû tourner après dans toute la soirée. Après, surtout que c'était des soirées où on était 20, donc ça a tourné extrêmement vite. Mais ça saignait beaucoup du coup. Il y avait masse de sang. Il y avait du sang. Ouais, il y avait du sang. C'est très impressionnant. Le gars est emmené à l'hosto et en fait après coup ce qui me fait rire, c'est que la soirée a continué avec le gars qui a mis le coup quand même. Ah ouais. Qui se sentait un peu mal mais qui a pas trop compris il ce qui s'était passé. Il a fait des téléphones. Il a pas tenu au courant de s'il est mort ou pas. Il y avait des téléphones mais et là où c'est un film d'horreur, c'est plutôt un film de frères Cohen, c'est qu'il y avait pas de raison. Il y avait pas de raison et de la neige alors que ton pote est peut-être mort en fait. Exactement. Ah mais c'est horrible. Et en fait, je pense qu'on a pas compris. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est dit bon, ça doit être rien même s'il s'est pris un coup de couteau. Ah, il est mort. C'était un couteau de crandaille. Non, là serait le pire à la fin. Et il est décédé, donc on va mettre une petite musique pour lui rendre hommage. Non, il va extrêmement bien et je crois même qu'ils sont restés potes avec le gars qui lui a mis le coup. Quoi donc, non, mais c'était. Mais c'est beau, c'est bien. Mais non, c'est le début de l'amitié. C'est leur amitié. C'est sympa. Mais c'est les mecs, ça. Mais ouais, putain. C'est la vraie vie, ça. faites pas ça, vous avez pas fait ça avec votre daron? Moi, je poignarde Camille tous les deux jours. C'est comme ça que je suis devenu un homme. Bien sûr. Je défie mon père avec un couteau et c'était ça, c'est comme ça que je suis devenu un homme. Rituel de passage. Bien sûr. Et nous, c'est le lendemain, où alors pour le coup, sans vrai jeu de mots, il y a eu la gueule de bois tout le monde. Mais en fait, il a passé la nuit à l'hosto. Genre, ouais, il est à l'hosto. Et donc, on est allé le voir, il allait bien. C'est sous morphine. Non non mais il allait bien, il cicatrisait. Il avait gastro, bon bah voilà. Non, non mais son père lui a dit le lendemain, tu vas pas porter plainte. Hein. Tu rigoles mais c'est son père qui est venu avec le gars, ah ouais. Mais qui était évidemment en larmes, pas bien de cette connerie. Tu vois, c'était vraiment une connerie. Tu vois. Mais qui l'a accompagné à l'hôpital? C'est pas lui qui l'a accompagné à l'hôpital. Non, ça avait un arrêt quoi. Et le mec qui a mis un coup de couteau, il quand même, il s'amusait ou il était un peu... Non non, il était perdu. Non mais en fait il le menaçait. Non mais dommage quand il est parti à l'hôpital, quand il a couché la soirée. Non, je crois qu'il y a eu une incompréhension générale de ce qui se passe. Moi, je croyais, moi, je pense que j'ai compris, c'est des souvenirs, hein, j'avais 17 ans, je crois, un truc comme ça. Je crois qu'il y a eu un truc de. En fait, il rentre juste, il va passer vite fait aux urgences, oui. Mais c'est pas si grave, il va passer la nuit. Personne, vraiment, personne dans la soirée a demandé pourquoi machin avait un couteau. Parce que non, moi, c'est la première chose. Était comme non, ça, il a un cran d'arrêt sur lui. L'as planté, bah, pourquoi t'as, bah non, oui. Mais, c'est, oui, mais déjà, c'est pourquoi t'as un cran d'arrêt pour ça, pour aller en soirée, tu vois. C'était comme ça. Michel, c'était admis, tu vois. Il est comme ça. Non, mais il avait bien planté des gens. Moi, j'avais la PlayStation, lui, il avait un couteau pour tuer les gens. Mesdames, messieurs. C'était son meilleur cadeau de Noël. Mesdames, messieurs, on était en 2007, c'était une autre époque. C'est vrai, c'est vrai. La France, c'était pas pareil. Quand on a 17 ans, c'est pas pour insulter les gens qui ont 17 ans, mais on n'est pas fini. Non, on prend pas la mesure de toutes les réalités tout le temps. Non quoi. Mais là il y avait un truc on de alcool, il y avait pas en Bourgogne, quoi. Il y avait alcool plus accident bête et bon bref. Mais tout ça pour dire non le lendemain le gars est venu et le père a dit le père du gars qui a mis le coup de couteau a dit moi je t'encourage presque à porter plainte. Enfin tu vois, ah il y oui, avait un truc de putain Sophie, bah Sophie ça a planté un gars quand même. Alors du coup le gars était pas violent hein. Est-ce que ça permettait de serrer des meufs d'avoir mis un petit coup de couteau comme ça mais lui, de... et c'est ça qui est génial et j'embrasse s'il écoute ce podcast. Il a pêché la meuf du gars qui l'a planté quoi. Non. Non, mais il avait tellement d'humour et lui il était en mode il se l'est joué sur viril tu vois genre il a capitalisé dessus. Non attends, tu parles du mec qui s'est pris le couteau. Oui, le mec qui s'est pris le coup de couteau était en mode malin, mais il était très drôle, c'est vraiment que moi je capitalise sur cette merde. Là, je suis tombé en vélo, une cicatrice sur le visage. Alors, lui, il a raison de capitaliser sur son coup de couteau. Ouais, lui, bah, il ouais, ah, tu étais en train de manger avec une fourchette et quoi? Un couteau? Je m'en suis pris un encore. Ouais, voilà. Là où ça nous a fait un peu flipper, c'est que c'était effectivement passé pas loin du foie. Quoi. Et ça, putain, c'était quand même, ça aurait pu le tuer assez violemment. Putain, alors, la chute aurait été un peu mieux s'il était. Non, mais c'est en termes de storytelling, je pensais que j'allais gagner avec mon verre éclaté. Putain, non, mais si, parce que ça te concerne. Moi, ça me concerne pas pour le coup. Moi, j'ai passé un jour de l'an en urgence comme toi, ouais. Parce que j'avais mal avalé un bout de pain. Non, mais c'est un peu moins tranquille, mais c'est un peu ce moins truc. Glorieux. Mais du coup, il s'est mis un coup de couteau dans la gorge pour l'évacuer avec une paille. Une petite trachéotomie, tu vois. Mais qu'est-ce que c'est? Non, c'était une fausse route en fait. J'avais mal avalé un petit bout de pain pendant la soirée avec la famille. Ouais, c'est un peu moins. Ouais. À l'époque, tu avais 70 ans. Tu as le syndrome de Benjamin Button, on l'appelle. Bien, et voilà, et donc du coup, j'ai passé la soirée. Mais il s'est absolument rien passé. Je suis resté dans un couloir pendant pratiquement toute la nuit. Mais le lendemain, j'allais un peu mieux. Ils m'ont dit bon, bah voilà. À soir de Nouvel An. Ouais. Mais il s'est rien passé. T'as dû voir et la cour. Ils ont donné un verre d'eau. Ils l'ont tapé dans le dos et ont fait allez. Ça va mieux. Ouais, voilà. Mais ça a dû être un peu la cour des miracles, non? Un soir de Nouvel An, les urgences. T'as dû voir passer des trucs un peu chelous. Ouais, c'est vraiment. T'as vu passer quoi? Enfin, non, t'as des souvenirs de trucs. J'ai pas vraiment de souvenirs, juste le souvenir d'un mec. Un mec qui s'est pris un coup de couteau. J'ai juste le souvenir d'un truc qui m'avait. Voici, c'est quand même un bon souvenir. Enfin, un souvenir assez glauque. En gros, donc j'attendais dans un couloir. Donc, deux émotions très différentes, quand même, clairement. Et en fait, j'attendais dans un couloir pendant toute la nuit, et puis à un moment donné, j'avais envie d'aller pisser, et il y avait des toilettes publiques au fond du couloir. Malgré le grand danger dans lequel t'étais d'avoir mal avalé un bout de pain. Exactement. Et donc, du coup, je vais aux toilettes, et la porte était entrouverte, et. Je sentais qu'il y avait quelqu'un derrière, mais j'en étais pas vraiment sûr et j'aurais jamais dû ouvrir. Et j'ouvre la porte, et puis là, il y a. Johan en train de ken une. Et là, il y avait un mec torse nu, je me rappelle, torse nu avec juste un pantalon. Enfin, un pantalon au pied. Ah yes, attends. Et puis il y avait de la merde partout par terre. Oh, voilà, je l'attendais, ça, je l'attendais, bien sûr. De la merde partout. Il avait gerbé et tout, oui. Et tu sais, il était pas bien, il était un peu fébrile comme ça et tout, tu vois, je suis. Et puis après, bon, bah, je suis l'homme des gens, merde. Non je sais plus, sincèrement, je sais plus. Ouais. En tout cas, je suis en partant. T'as fait bon, chacun son problème. Moi, j'ai mal à avaler un bout de pain. Moi, j'ai mon bout de baguette. Chacun ses problèmes. Exactement. Et donc, quoi, t'avais du mal à déglutir? Comment non, ça je sais pas, en fait, je sentais quoi, en fait, j'avais peur que ce soit coincé quelque part. Je comprends cette douleur. Et que j'arrête de respirer à un moment donné. Non, mais imagine, c'est bloqué. Tu peux pas l'enlever. Tu peux pas l'enlever et tu. Moi, je vais pas me coucher serein, c'est mais sûr, il voilà, y a un problème. Et en de... fait, à la soirée, tout le monde me charrie. Ouais. Mais bon, ça va, c'est juste non, un. Non, mais tu tout sautes, ça va. Mais en plus, vous lui parlez, mais c'est les gars, c'est mal passé. Évidemment qu'il a essayé, vous êtes en train de lui dire, bah t'as pas bu d'un verre d'eau. Non, pour moi, c'est un débile. Et donc voilà. Oui, non, on a... Camille, tu nous as pas dit toi. T'as eu des nouvel an un peu pété ou ça va? Tous mes nouvel an globalement étaient assez pétés. C'est-à-dire hein. Donc, j'ai pas su vous choisir une anecdote. Je sais pas, des premiers nouvel an qu'on a eu le droit de faire donc que entre ados et ses parents. Où on faisait la fête avec du Passoa, du Malibu. Ah, le Passoa, magnifique. Tite Smirnoff. Ouais, c'était super. Charles, ouais. Pardon ? Charles Passoa. Smirnoff. Ah oui. Ouais. Pas mal, ouais. C'est pas mal. Tu l'as apprécié ? Non, moi j'aime bien le jeu vidéo. Mais on est d'accord que les nouvel an d'ado, c'est quand même très alcool fort, hein, quand même. Hein. Moi j'avais l'impression que c'était que des trucs un peu vénères. Des Tampax imbibés d'alcool dans le cul. Ouais, c'était direct. Ouais, ouais, ouais, directement. Ouais. Moi dans l'urètre. Bah oui, mais après on savait s'amuser à cette époque. Mais nous, c'est pas comme les jeunes avec les smartphones. Des kikis, tu sais. C'était pardon, des, comment des kikis. Les on trempait des les kikis, des morceaux de tissu. Non, non. On trempait des morceaux de tissu dans de l'eau écarlate. Ok. Et après, non mais ne faites pas ça chez vous hein. Ouais, non, vous ou ailleurs d'ailleurs. Et on les imbibait donc de d'eau écarlate et on les sniffait très fort. Et en fait ça te fait avoir tu vois une espèce d'impression un peu dizzy où ouais, c'est comme tu vois de la colle, tu vas tomber dans les pommes. C'est un peu le même délire. Ouais, c'est un peu ça tu vois. Le jeu des foulards. On a jamais su non, d'ailleurs. Tu vois, c'est qui très dangereux. Moi je l'ai fait. Ouais ouais. Et alors? C'est ça va? Bah non, enfin, c'est le principe de se faire étrangler quoi. Ouais. Donc t'es un peu. T'as kiffé. Quand c'est pas au pieu, c'est pas. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai un autre souvenir de jour de l'an. Parce qu'en fait, donc, j'ai toujours eu des jours de l'an très très mauvais. Sauf que en 2001, ma mère a eu la riche idée de s'offrir une maison à Drancy, donc en Seine-Saint-Denis, qui avait une piscine. C'est la seule maison, la seule maison de Drancy qui avait une piscine, mais une vraie piscine incrustée dans le sol, pas une piscine. Ouais. T'as vraiment failli dire une piscine de sale pauvre. Ouais, c'est ce que j'ai envie de dire. Et donc du coup à partir de ce moment-là, beaucoup de gens voulaient passer ce jour de l'an avec moi. Bah, bien sûr. Alors chez toi, ah parce qu'elle était chauffée. Elle était chauffée et éclairée en pleine nuit et tout. Donc là, tu peux faire des bonnes soirées. Attends, excuse-moi, c'était en quelle année? Parce que comment tu peux te retrouver dans un parking où ça baise alors que t'as une piscine chauffée? Ça devait être en 2000. On a eu la maison en 2001, donc 2003. Oui, donc comme t'es ça. Encore jeune. Oui, donc ouais, voilà, je suis encore jeune. Et donc, il y a des potes qui viennent à la maison. On devait être peut-être une quinzaine, vingtaine. Et on a lancé un jeu à un moment donné où en gros c'était un type devant moi et celui qui boit le plus de verres de vodka. Sauf que mon pote Mehdi, le fameux, en fait, était à côté et toujours dans les bons coups, j'ai l'impression. Et toujours dans les bons coups et remplissait mon shot de verres d'Evian en fait. Et de bouts de pain aussi. Et, voilà. Et donc en fait, personne ne s'est rendu compte de la supercherie. Lui, il enchaînait les verres de vodka. Okay. Et moi, j'enchaînais les verres d'eau et je rajoutais, genre tapant comme ça sur la. Et ça chauffait tout le monde, etc. Et lui, il voulait me battre à tout prix. Du coup, à un moment donné, il est tombé dans un coma. En fait, il est parti. Voilà, en fait, il est parti faire une pause en s'endormant. Et on pensait qu'il faisait une petite sieste comme ça, sauf qu'il était en comédie. On a mis du temps avant de s'en rendre compte. Trois jours. Et comme on a mis du temps avant. Ce qui est un peu dur quand même. Et comme on a mis du temps avant de s'en rendre compte, en fait, c'était vraiment débile l'atmosphère. On avait vraiment 20 ans, tu vois, on était vraiment cons. Et en fait, les gens s'amusaient, parce que forcément, tout le monde avait des capotes, mais personne ne s'en est servi. Et donc, à un moment donné, ils ont pris des capotes et ils l'ont mis sur la tête. Ils mettaient sur le visage et sur le corps. Ils essayaient pas de mettre du marqueur sur sa gueule et tout. Non. Ça, c'est un grand classique. Ouais, un grand classique, mais là, c'était juste la disposition de capote sur son. Juste les poser. Quoi, je l'ai posé sur sa gueule. Ah d'accord. Oui, c'est pas ouf en non, plus. Non, mais si un excellent gag. C'était marrant. D'ailleurs, si vous écoutez ce podcast avant le jour de l'an, n'hésitez pas à le faire après. Voilà, vous posez des capotes et nous envoyer les photos évidemment. D'ailleurs, ils l'ont enterré comme ça. Laissé les capotes et tout voilà. Et donc ils ont répandu ses cendres dans une capote. Et en fait, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait rien de normal parce qu'il se réveillait pas. Et du coup, les pompiers sont venus et là, ça calme tout de suite tout le monde. Ah ouais, les pompiers sont là. Oui. Et sauf qu'en fait, les capotes étaient encore sur lui. Et du coup, ils l'ont emmené à l'hôpital. Et en fait, ce mec. Ils les ont laissés. Et en fait, ce mec sortait avec ma sœur à l'époque. D'accord. Et ma sœur n'était pas là. Et genre, quand elle a pris ça, elle était vénère et tout. Forcément, elle était genre, vous l'avez laissé boire comme ça, machin, tout ça. Et tout. Ah bah et oui, donc, tu t'es senti hyper mal, quoi. Pas trop. Surtout ouais. Genre, c'est vrai, pas faute. Je pense que c'est plus. Lui qui a calé vraiment toutes les capotes sur le visage. En vrai, pas trop. Mais donc, voilà. Donc, du coup, un autre jour de l'an. Nul. Mais les tech paf, ouais, c'est pareil. Grosse boisson de nouvel an de jeunes. Ouais. J'ai l'impression quand même. Mais même maintenant ah ouais tech paf bah oui ça fait toujours plaisir en soirée, vous prenez jamais des petites tech paf? Je sais pas ce que c'est en fait. Ah pardon, les tech paf c'est tequila frappé. Ah ok d'accord. Ah oui. Si c'est toujours cool. Je suis très chaud en oasis tropicale, si quelqu'un a des questions. Tech paf, je sais pas, agrume et tout mais... oui et juste j'avais noté un truc, je pense qu'on arrive doucement vers la fin, mais au niveau des salles des fêtes j'en ai pas parlé, mais nous il fallait les rendre le lendemain et du coup les nettoyer et vraiment Quel triste spectacle de voir des gens de 17 ans, ceux qui n'ont pas réussi à baiser, à nettoyer une salle des fêtes. Nettoyer ouais. le sang d'un foie. C'est ça. D'autant. Non, non, mais tu vois, tout est dégueulasse. On est tous fatigués. On a besoin de dormir. Il est 6h30 du matin et on nettoie une salle des fêtes parce qu'il faut rendre les clés à 9h. Enfin, c'était. Ah, mais d'ailleurs, en parlant de ça, vous avez fait souvenir de fois où vous avez pécho un sort de jour de l'an ou pas vraiment? Ça n'est jamais arrivé, écoute. Non, jamais. J'ai même pas réussi à pécho ma meuf au jour de l'an que j'ai fait avec elle. J'ai peu de souvenirs où j'ai réussi à pécho tout court. Il y aura peu de chance, ça tombe le sort du nouvel an. Non, mais par contre, moi quand ça baisait au nouvel an. Tu regardais. Non, mais du coup. Mais du coup, c'était impossible de les laisser faire, vu que j'y arrivais pas moi. Donc vraiment, c'était. Ah, oui. Donc toi, t'étais le connard qui faisait du bruit à la porte. Ah, ça baisse, ça baisse. Tu as dit, tu faisais ça encore il y a 4 ans, moi j'ai le souvenir. Quoi? Bah. Oui. Non, okay. Mais j'adore faire ça. Et je l'ai fait il y a pas longtemps et j'ai eu un vrai débat avec une amie. Ouais. J'ai fait une soirée et je salue les personnes qui étaient présentes où il y a eu une baise dans un endroit clos, mais à une soirée où un endroit était réservé. Ouais. Je veux pas trop en dire, mais c'était dans un cercle. Et en fait, des gens ont ken à un endroit. D'accord. Et moi j'y suis pas allé de ouf, mais j'avais vraiment très envie d'aller les emmerder quand même, parce que j'ai 8 ans et demi. Et j'ai eu un débat avec une des personnes qui était présente qui fait: ah non, mais les gens qui sont venus les embêter alors qu'ils étaient en train de baiser. Et moi j'avais un vrai débat intérieur de: bah c'est normal. Alors donc je suis un gros lourd, ok. Parce que pour moi, si tu fais ça. Non, c'est... Non, mais si, mais je demande. En fait, si je suis assez d'accord avec lui. Si tu baises dans un endroit public, il y a des risques. Machin. Tu joues un peu le jeu de des gens bien vont sûr. Venir t'emmerder et ça fait partie même du délire, ça fait partie on même de l'excitation. Voilà, tu vois, peut pas vraiment blâmer les non, gens. Que tu dis, c'est cool, on va pas me voir. Ouais. L'excitation, c'est pas vraiment que des gens vont t'emmerder, c'est peut-être te faire choper. Moi, mais curieux, c'est ça. Moi, qui n'ai pas les blagues les plus fines. Par contre, si je viens me cracher demain quand je baise avec ma meuf, là c'est impossible. Bah, déjà, si je viens chez moi, tu vas m'emmerder et tout. Bien sûr, là à ce niveau-là, oui, bien sûr. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Des gens ont des petits trucs à dire sur les nouvel an, des anecdotes, des trucs qu'ils voulaient aborder. Pardon. Ouais. J'en ai pas plus de mauvaises que ça. Bah non, mais c'est vrai. Elle était déjà pas mal. Hein, ouais. Écoutez, parce que qui dit nouvel an dit chanson de nouvel an. Ah, on est quand même en France, bordel. Donc, bien sûr. En tout cas, en Bourgogne. En tout cas, en Bourgogne, on a l'album de chansons paillardes. Alors, Camille, je vais te demander de pas trop regarder sur l'ordinateur, car j'ai un jeu. Voire pas du tout. Voilà. Non, mais, ou alors de ne pas participer. Là, par mais contre, c'est du dommage. Coup, si tu veux jouer, faut que t'aies. Ouais, faut que Camille te prête un peu le casque. Alors, vas-y. Qui dit nouvel an dit chansons paillardes. D'accord, je vous propose un petit jeu. Je vais vous interpréter en direct et accompagner. Non, pas à cappella, au piano. Oh. D'accord. Je vais vous interpréter des chansons paillardes sur des instrumentales de chansons extrêmement tristes. Le but du jeu est de reconnaître la chanson paillarde ainsi que la chanson triste. Que la chanson triste. Okay. D'accord. Paillarde, je suis pas bon. Sachant que j'ai rajouté. Est-ce que t'es content, Adrien? Moi j'adore les jeux, donc je suis ravi. Et sachant qu'il y a une petite subtilité. C'est mon cadeau c'est de Noël, c'est ça. Mon plus beau cadeau de Noël, c'est ça. Sachant qu'il y a une petite subtilité, certaines chansons n'existent pas. Tu les as écrites. Je les ai écrites. D'accord. Ouais, je connais ton style. Bah attends, il m'a travaillé. Évidemment, pour le plaisir, j'ai envie de vous dire, laissez-moi les interpréter avec plaisir, avec bonheur et brio. D'accord. On est pas obligé de couper des. Il y en a des faciles. Au début, de toute façon, elles sont quand même plutôt faciles, évidemment. On lèvera la main. Vous êtes prêts? Ouais. Vas-y. On commence avec la première. Ils étaient amoureux. Ils s'aimaient tous les deux, ils étaient heureux. Ils étaient heureux. Chaque soir, chaque matin, ils allaient au turbin, le cœur plein d'antre. Je crois que tu l'as, Adrien. Attends, je suis pas sûr. À l'atelier, ses copines lui disaient. Oui, attends. Je crois que je l'ai. Dis-moi. Alors, je dirais You're Beautiful de James Blunt. Oui. Et L'habitat du Dule. Effectivement. Bravo. On passe à la deuxième chanson. J'espère que vous êtes prêts. Ouais, ok, c'est bon. Ok. Il était dans son berceau. Ah non. Bondait déjà comme un taureau. Oui, quelqu'un là? Vas-y. Alors, U2. Oui. Okay. La chanson One Love. One. Ah, One. Ok. Et l'autre c'est Bondi. Bali Ballo. Putain. Bali Ballo. Dans son verso. en salle de classe, se conduisait comme dégueulasse. Ouais, il s'avança vers la maîtresse. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a mis sa pine entre les fesses. Merci. Ouais, ça fait du bien. Attention. La troisième chanson. Si Bono écoute ce podcast. Bah, Bono, alors c'est Bonnie le truc, c'est... Bono. Bordel déjà. Attention, on passe à la troisième chanson. Oui, ah, c'est bon. Oui, bien sûr. Une Queen, je rappelle. Ô muse, prête-moi ta lyre, afin qu'en vers je puisse dire. Un peu moins connue celle-là. L'un des combats les plus fameux qui se déroulèrent sous les cieux. Dans un vagin de forte taille, 600 000 poux livraient bataille à un nombre égal de morpions qui défendaient l'entrée du con. Le choc fut épouvantable, on croyait que c'était le diable. Vous avez l'instrumental déjà? Oui, bien sûr. Les femmes enceintes en accouchant chiaient de la merde au lieu d'enfants. La bataille fut gigantesque, tous les morpions périrent ou presque, à l'exception des plus trapus qui s'accrochaient au poil du cul. Allez, c'est toi qui as écrit. Écoutez, non, ça c'est une vraie chanson. Je vous trouverai pas si vous avez pas trouvé la bataille du cul. Ça s'appelle De Profundis Morpionibus. Ah, ben oui, ouais. C'est une chanson qui parle de morpions dans le cul qui se battent contre des poux de chasse. C'est une chanson à texte. Oui, en l'occurrence, c'est Goldman. C'est Goldman qui est derrière les paroles. C'est Céline Fion, on peut dire. Bien sûr que si. Raoul, il vient de Saint-Etienne, il fait la fine bouche. Je suis déçu parce que personne ne m'accompagne sur. Parce que c'est moi, je trouvais ça bon. C'était délicieux. Bien sûr que c'était délicieux, il le sait. C'est ça qui m'agace. Ouais, vas-y, next. Vous êtes prêts? Oui. C'est parti. Je suis heureux. Soirée raclette. On fait la fête entre amis. J'ai le. Alors, j'ai que la chanson Payard. Le cornichon sur Goodbye My Lover, qui c'est James Blunt. James Blunt. Ah, voilà. Et c'est Théo Bernard, ton frère, Soirée Raclette. C'est mon frère qui a fait une chanson qui s'appelle Soirée Raclette. Wow. Qui a fait une chanson Payard qui est dans la dernière vidéo de Cyprien. Je vous la fais écouter parce que elle est très qu'elle est très sympa. Soirée raclette, on fait la fête entre amis. Le cornichon sur les nichons et les jambons dans le trou du fion. Janine est chaude, je ne suis pas déçu. Je crois bien que je vais faire chauffer le fromage dans son cul. Voilà. Bravo. Non, c'est très très bien. C'est génial. J'étais extrêmement fier de vous. Ah bah c'est chez les Bernard, on a une plume. Hein, une plume dans le cul d'ailleurs. Oh, au cul la plume. Alors, vous êtes prêts? Ouais. Je suis bien. Nouvelle chanson. Nous on aime pas les œufs au plat. Oui. Ah, ni les planches à repasser. Nous on veut du Wonder Bra. De vos obus. J'ai pas la chanson. J'ai que la chanson. Ils sont souvent à plat plat. Alors c'est Coldplay. C'est bon. Les nénés de nos nanas. Ouais. Et c'est les grenichons. C'est les grenichons. Les grenichons. Les paires de seins. Alors non, c'est l'air, c'est pas ça. L'air, c'est pas ça du coup. C'est. Vive les grenichons. Les paires de seins comme des ballons. Ah, je connais une variante. Vive les grenichons. Non, effectivement, toi, tu connais l'original qui a. Pour moi, une des meilleures intros. L'intro, c'est la meilleure. L'intro, c'est la meilleure. Attendez, je vous la mets deux petites secondes. Mettez-moi, c'était pas prévu. J'adore. Les grenichons, pour moi, il y a, bon, c'est vrai que dans les intros, il y a des Bruce Springsteen, il y a des mecs qui font de très bonnes impros, mais pour moi, la chanson des grenichons a la meilleure intro, à savoir celle-ci. On y va pour les grenichons. On y va. Ouais, bien sûr. Attends, moi j'adore la réponse. Mais ils font pas. Ouais, attends, quoi, bien sûr. Mais pourquoi tu crois qu'on est venu à la base? Moi j'adore. Je pourrais vraiment parler des heures juste de cette intro. Quoi. Mais parce que le mec dit vraiment, on y va pour les grenichons. Tout le monde sait de quoi il parle. Ouais. Tout le monde fait bah ouais, attends. Ça, il faut vraiment. Tu l'entends pas, Adrien, mais il y a un mec qui fait oh non, mais venez, on regarde la télé. Est-ce qu'il y a des rabat-joie qui diraient non à ça? Oh non, pour les grenichons. On pourrait faire la version rabat-joie. On change les voix après. Non, on y va pour les grenichons. Non, je suis crevé là. La barbe. Okay. Attention, vous êtes prêts? La levrette. Je trouve ça chouette. Ça, c'est toi, ça. Ouais. Le missionnaire. Un peu pépère. Le 69. Ça donne du neuf. L'Amazon. Ça m'impressionne. Mais ce que je préfère au pieu, je sais pas si je peux le dire. Mais ce que je préfère au lit, ce qui me fait le plus plaisir. Allez, vas-y, lâche tout. C'est d'enfoncer ma bite dans ton trou du cul. Allez, on reprend. Allez, allez, yes. C'est d'enfoncer ma bite dans ton trou du cul. Ouais, c'est joyeux Noël à tous. Yes. Caca plein les draps. La chanson, tu l'as appelé comment? Je l'ai appelé enfoncer ma bite dans ton trou du cul. Bah oui, bah écoute, c'est droit au mythe. En vrai, avant le refrain, j'hésitais entre toi et Francky Vincent. Ça aurait pu être du Francky Vincent. Ça aurait pu être du Francky Vincent. Non, la chanson, j'en ai pris une dure exprès pour vous me laisser chanter la chanson. C'est Snuff de Slipknot. Et oui, car d'accord, ils ont fait aussi quelques balades. Voilà. Les gens non, non, mais faut le dire, les gens ne disent pas. Rarement les balades de Slipknot. Attention, nouvelle chanson. Quand ta vie se traîne, quand t'as de la peine. Ça aussi, c'est toi. Quand personne t'aime, que t'as des problèmes, quand la vie est dure, plus d'une aventure, rien que des blessures. Alors moi, j'ai la musique. Ne pleure pas. Vous avez la musique? Qui a la musique? Camille. Dis-moi. Ouais, Camille, là. Camille? Normal. Non. Quoi? Je reprends, pardon. Je me remets un peu dans le bas. J'attends que ça devienne crade. Ouais. Hein? J'attends que ça devienne crade là parce que. Ah non! Ne pleure pas. Ne t'en fais pas. Regarde-moi. Et n'oublie pas. Voilà, vous avez trouvé. Le petit bonhomme en mou. Ah bah oui! Ah oui! Je savais que je t'avais dit c'est lance. Et rate le plongeoir. C'est comme la chanson douce. Vous avez pas la chanson, l'original? Non, pas du tout. Que chantait ta maman le soir? Ouais. C'était Pearl Jam, Black. Très bonne chanson de Pearl Jam. Ah, on s'est fait avoir. J'étais confondu avec Patrick Sébastien, je suis désolé. Je suis désolé. Oh, on a un peu la même plume. Hein. Ouais. J'en ai marre de faire ça. Donnez-moi un casque, putain. Attention, vous êtes prêts pour la prochaine? Oui. C'est parti. Allez, envoie, putain. Quand je vois tes deux fesses, ma queue durcie, je m'insère et t'aboie. Je t'ai mis un chien. Et je t'ai mis qu'un doigt. C'est Mister V. Ouais, c'est Mister V dans ce story. C'est ça, ouais, c'est ça, Mister V. C'est la fameuse chanson de Mister V. Chef-d'œuvre. Pour moi, la meilleure vidéo de cette année. Hein. Ah, vraiment, vraiment. On n'a rien vu de mieux sur. Avec les cartes d'écus aussi de Freddy Gladieux qui est très très bien. On va écouter celle. C'est la même vidéo. C'est la même, c'est la même vidéo. C'est ça. Mais il y avait plusieurs. C'est un. Prends-moi la bite et branle-moi. Prends-moi la bite et branle-moi. C'est le meilleur passage. Mais la vidéo a été bannie par Instagram. Ah ouais? Ah ouais? Oh non. C'est vrai. Elle a été mise illégalement sur YouTube. Du coup, je vous fais écouter la chanson. Quand je vois tes deux fesses durcies, ma queue, je m'en sers. Ta voix, et je t'ai mis qu'un doigt. Je me contente de peu. T'es comme la Ligue 2. Rien d'ostentatoire pour ma bite de noir. Allez. Non, mais en fait, c'est pour des questions de droit que ça a été sans doute enlevé, quoi. Oui, pour l'instrumental. La musique, non, c'est vraiment pour les paroles. Les paroles. Parce que, ouais. Putain, Instagram. Ouais, ça... Pour moi, on ne peut plus rien dire. Voilà. Je vous l'ai déjà dit. Pour moi, c'est Black Mirror. Ok, vous êtes prêts? Ouais. Ah, putain. C'est parti, il y en a plus beaucoup, hein, je vous le dis. Ah merde. Ah si. Ouais, on a un truc. Ah, vous avez qui ici? Les peurs du pénitentiaire. Non, Noir Désir. C'est pas ça, putain. C'est pas Noir Désir? Hein? C'est pas Noir Désir? C'est pas Noir Désir. J'aurais pas tenté Noir Désir. J'ai le froc plein de merde. me casse pas les couilles. C'est Rogoisin, ah putain, non? Oui. Attends. J'ai le froid plein de merde. C'est pas Green Day? Mais je veux tremper ma nouille. Avec les potes, je faisais la fête. Alors s'te plaît, fais pas cette tête. Viens plutôt me branler la bite. Ça c'est toi. Je vais pas me répéter. Fais ça vite. J'ai le froc plein de merde. Me casse pas les couilles. Je parle pas entre les deux. J'ai le froc plein de merde. Parce qu'elle fait sa mijaurée, bah, sous prétexte qu'il a le froc plein de merde. Je veux tremper ma nouille. Oui, je suis bien bourré. Mais me fais pas chier. C'est déjà fait. Parce que c'est déjà fait. C'est donc c'est toi qui as écrit. Référence à la merde qui est dans mon pantalon. Je confirme, c'est lui. Oh, vous l'avez pas? Bruce Springsteen, The River. Très bonne chanson. The Reader. The River. Ah, et j'ai vraiment l'impression que tu racontes une anecdote d'un pote à moi. Qui s'est fait branler avec le cul plein de merde. Alors, c'est pas qui a un groupe de reggae. C'est pas tout à fait ça. Non, c'est un mec, en fait, si tu veux, il a une immense chiasse. C'est vraiment une immense chiasse. Mais quoi, on continue tout le temps. C'est vraiment, il se lève, il a la chiasse et tout, mais bon, il va quand même taffer. Et au bureau, ça s'arrête pas et tout. Et le mec fait sa journée, ça va, tu vois, un petit peu, ça va. Mais est-ce que ce pote, c'est toi ou t'as pris vraiment un... Non, vraiment. Il s'appelle Amaro. Vraiment, c'est un pote. Non, sinon, je l'aurais clairement pas dit. Et en fait, il va dans une soirée et le gars a vraiment envie de baiser. C'est un gros baiser, en fait, ce gars. Il faut savoir, c'est un mec vraiment, il s'en bat les couilles. Lui, il veut du chiffre. C'est le mec de la chanson, quoi. Exactement. Non, vraiment. Et là, il tombe sur une nana et tout. Bon, il se prend un râteau. Ça ne va pas. Un deuxième. Puis là, il y a une nana avec qui ça match, tu vois. Et la meuf est super chaude, mais vraiment très, très chaude. Alors que lui, quand il te le raconte, il dit, je sais pas, j'avais pas le mojo ce soir-là, mais bon, la meuf est hyper chaude. Et il arrive chez lui avec la meuf, tu vois, en question. Et là, la meuf, je vous jure que c'est vrai, elle se met à lui lécher le cul. Oh. De ouf. Et là, le gars est tiraillé parce qu'il se dit, j'adore ça, mais qu'est-ce que je fais? Parce que c'est dégueulasse en soi. Tu vois, c'est pas ouf. C'est clairement pas ouf. Ouais. Et du coup. Et c'est pas la chute. J'ai un peu peur du coup. Non, c'est juste qu'après, elle était hyper, hyper chaude. Et du coup, elle dit, j'ai clairement envie de t'embrasser. Du coup. Il a mis un stop. Voilà, non, selon sa phrase, c'est que sa bouche sentait la châtaigne. Et du coup, il m'a dit ça et j'étais choqué. Encore une fois, joyeux Noël en parlant de châtaigne. Désolé pour cette. Cette anecdote, mais j'ai trouvé ça d'une tristesse. Moi, je crois que c'est toi. Non. Je vous assure que c'est ma voix. En fait, c'est Quentin. Je comprends à Maury qu'on a, parce que je pense que c'est une anecdote qu'on n'a pas tout le temps l'occasion de sortir. Si tu la sortais pas là, tu pouvais pas la sortir. J'étais obligé de la sortir. Non, c'est un. On a déjà la dernière chanson, les amis. Il y en avait 10 hein, quand même. Il y a eu du taf. Ouais. C'est parti. S'en est allé à la pêche en Espagne. Il m'a laissé sans le sou, mais avec mon petit trou. Les rideaux de notre lit sont faits de serge rouge, mais quand nous sommes dedans, la rage du cul nous prend. Tout bouge. Est-ce que c'est la digue du cul? Non. C'est pas mal comme titre. Mon mari, que fais-tu là? Tu me perces la cuisse. Le curé, le cabaret, a les couilles qui pendent. Et quand il s'assoit dessus, elle lui rentre dans le cul. Le curé, le cabaret, tout le monde s'il vous plaît, a les couilles qui pendent. Et quand il s'assoit dessus, dans le cul. Il bande, Oh, putain. Oh oui, il bande. Il demandé le curé de Camaret. Le curé. C'est donc le curé de Camaret. Ouais. C'est le curé de Camaret. Oui, évidemment, c'était pas crazy, c'était I don't want to miss a thing. Oui. I don't want to miss a thing. Exactement. C'est très bien. Mais j'ai pas, alors moi, j'ai pas compris le rapport entre le couplet et le refrain. J'ai interchangé. Normalement, on a d'abord le refrain et ensuite il y a le couplet. Donc d'abord, elle parle du curé de Camaret, ensuite elle parle de son mari. Voilà. Il y a quand même pas de rapport entre les deux. Je sais pas, j'ai pas tout bien lu. D'ailleurs, non, c'est en faisant mes petites. Le but, oui, pardon. En fait, le but c'est juste d'arriver au moment où il s'assoit sur ses couilles. C'est juste un peu. Oui, voilà, le but d'arriver là, c'est tout. Mais d'ailleurs, en relisant les paroles de la bite à Dudule, j'étais extrêmement choqué parce qu'en fait, la bite à Dudule, à un moment, elle dit. Je la prends, je la suce, elle m'encule. Oui, ça, à la limite, voilà. Mais en fait, à un moment, elle dit qu'elle se fait tabasser. Mais qu'il a une grosse bite. Oui, alors c'est vrai, c'est ça. Oui, c'est vrai. Ah, d'accord. T'sais, en fait, c'est même ses copines qui lui disent bah, quand même, il tabasse. Et elle fait ouais. Mais il a quand même une grosse bite que, bah, que je prends, qui disent que je suce et qui m'encule quand même. Donc, ouais, il est pas beau, il est mal fait. Oui, c'est ça. C'est quand même. Il est pas beau, il est mal fait. Les amis, c'est déjà la fin de ce floodcast. Ah ouais. Un dernier petit tour de table pour parler de l'actualité de chacun. JB, qu'est-ce que tu fais de bon en ce moment? Bah, la fin d'année, très belle année pour la chaîne, tels sont nos clics. Là, bon, on a notre petite série Vidéo Store. D'ailleurs, beaucoup de gens ont participé à cette série autour de la table. Et dans la même d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs. Et dans la même, oui d'ailleurs. Oui, c'était Game of Thrones, c'est ça? C'était ça, c'était Game of Thrones. On a mis quoi, 2 ans pour la planifier cette deux ans. C'était ça, 2 ans et c'était de jusqu'à pas d'heure. Oui. Non, toi, t'étais parti tôt, toi, je vois. Oui, parce que j'avais un casting d'ailleurs. Est-ce que ça a marché ce casting? Non. Non, je l'ai pas eu, je l'ai pas eu. Et ouais, et plein de projets pour 2019, des collaborations qui vont être mises en place avec. Mais avec des nazis, ça c'est vraiment. C'est ça. Ouais, c'est et du coup, voilà, ça risque d'être une belle année. Et puis avec Guillaume, on a hâte de l'attaquer. Donc voilà. Super. Ouais. Amaury. Écoute, là nous sommes en train de finir d'écrire notre film. Waouh, wow, oui, d'accord, donc, avec Quentin. Ouais. Mortel. Donc du coup, voilà, ça fait quoi? Ça fait 4 mois qu'on est dessus. Trop bien. Donc écoute, c'est cool. Par contre, si là t'es refusé au casting, c'est relou par contre. Ouais, clairement. Ça va être problématique. Et puis on va aussi reprendre notre chaîne parce qu'on va faire moins de choses avec Golden. On va faire plus de trucs un peu comme avant. Voilà, sans une immense prod autour. Très bien. Voilà. Mais d'ailleurs, au départ, toi, t'étais sur Dailymotion. Parce que moi, à l'époque, j'étais chez Dailymotion et Guillaume me parlait de vous. En oui, c'est ça. Et le pire, c'est que j'étais. Souvent, quand on parle de ça, tu sais, les gens disent ah ouais, donc t'as commencé en 2007, 2008. Non, pas du tout, c'était en 2014. Ah ouais. je suis arrivé chez Daily en 2014 au studio Daily. Oui, donc, mais je me rappelle. Et on a connu Guillaume là-bas parce que c'était le seul endroit où tu avais un studio, des caméras et tu pouvais faire tout des ce trucs. Que tu veux. Exactement. Et tu avais 4 personnes et qui regardaient. Et beaucoup de gens viennent là-bas parce qu'il y avait Pierre Lapin et Guilhem, il y avait Cyrus. Moi, j'ai connu Cyrus. Il y avait la First Team, la chaîne de basket. Oui. Il y a beaucoup de monde qui viennent du studio Dailymotion. Ouais. Les gens le savent pas. Vraiment. C'est vrai. Et ce studio qui a explosé. Ah oui. Littéralement. D'accord. Ouais, littéralement. Et en fait, il y a un immeuble qui a explosé c'est à côté. Ça à côté. Et en fait, ça a pété la derrière. Parce que ils avaient mis une sorte de gros fond blanc. Il y avait une verrière. Pardon. Excuse-moi. Il y avait une verrière en fait au dessus. Et donc la verrière a sauté. Et les mecs de Daily se sont dit qu'est-ce qu'on fait, on remet de la thune dessus et on continue. Non, finalement, on va arrêter. En vrai, c'est Canal Plus qui a dit ça parce que c'est Canal Plus qui avait racheté. Ah oui, c'est vrai. Nous étions talent Vivendi. C'est ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai lancé ma chaîne YouTube parce que ça avait explosé et qu'il n'y avait plus de studio. Ah ouais. Comme quoi, mal pour un bien. Mais voilà, je suis très content. On comprendra que t'as tout fait péter. Kalindi. Bah écoute, une actualité moins folichonne. Hein. Je vais essayer de reprendre les critiques vidéo en espérant que j'ai plus de succès que la première fois. Voilà. Kalindi, qu'est-ce qui s'est passé la première fois? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un traumatisme. Non, mais alors en fait, si tu veux, nous on a une chaîne YouTube générale sur Mademoiselle. Ouais. On fait beaucoup de choses et j'ai lancé les critiques vidéo. Ça n'a pas reçu le succès que ça aurait dû en fait. Tu chiais pas assez sur les films, je pense. Je pense que j'étais trop optimiste Est-ce que tu avais des figurines Funko Pop derrière toi? Parce que c'est comme, normalement c'est ce qui très important pour non, mais ça manquait d'un truc, tu vois. Mais là on réfléchit à un nouveau format. Je pense que là vous allez adorer. Rendez-vous bientôt là, j'espère, pour est-ce qu'on peut dire format. Qu'on aime déjà? Moi j'aime déjà. Ah bah j'espère. Bah oui. Moi pas trop. Mais t'as envie de te laisser tenter, je crois. Mais j'ai envie de me laisser tenter. Voilà, c'est ça. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Mais tu rédiges aussi des articles sur Mademoiselle? Oui, bien sûr. Mais j'écris plein de choses. J'écris en cinéma, en série, j'écris aussi en sexualité où j'ai moins de succès. Les gens me détestent. Mais pourquoi et puis il déteste non mais j'ai un pseudo, je peux pas vraiment le dire, mais j'ai un pseudo d'accord. que les gens n'aiment pas forcément. Bon voilà, c'est qui s'appelle quand même. Qui s'appelle quand même Gloire à Satan. Les gens sont un peu Adolphe Hitler du cul. C'est un peu tendu là-dessus. Et alors, quelle est la première critique que tu vas faire en vidéo sur YouTube pour ton grand retour? Alors, ce sera sur un film qui s'appelle Ben is Back avec Julia Roberts, qui sort courant janvier. Voilà, donc vous pourrez regarder ça. J'espère que ça vous plaira. Ce sera plus dynamique qu'avant où c'était long. Là, ça va être punchy, ça va être bien. On va tu vas faire des zooms comme ça, sans arrêt tout le temps. Et il y aura comme... voilà, un peu de voilà. Et il y aura de la dubstep. La dubstep, bien sûr. Bah, ouais, on aime. Très bien, Camille. Oui, vous pourrez m'écouter une semaine sur deux en alternance avec Kalindi dans Laisse-moi kiffer. Ah oui, voilà. Le podcast du kiffer de la digression. Et venir. Ça, c'est nous par contre. Doucement, doucement quand même sur les concepts. Et comme on a repris le concept, c'est vrai que ça se ressemble kiffer, un peu. Mais comment ça en alternance? Vous n'êtes pas ensemble? Il y a deux teams de Laisse-moi kiffer qui, une semaine sur deux, se partagent. Donc, calme-toi. C'est la team originelle, tu vois. On a créé Laisse-moi kiffer, ça a marché. Il a fallu qu'on crée une seconde équipe et pour après, faire on s'est un rendu compte tu que vois. Tu parlais pas dans le micro. On a engagé d'autres gens. Exactement. Et c'est là que Camille est arrivée, en effet. Ouais. Très bien. Venez chaque mercredi sur ma chaîne Queen Camille, vous détendre et rire à gorge déployée. Mais j'ai découvert que tu faisais il y a pas si longtemps et c'est vrai que c'est très cool. Voilà, je voulais te le dire. Même j'ai découvert si grâce à la vidéo avec Léopold. Vraiment la merde. On s'est rencontré au truc de Tom Hercouet et c'est l'une des premières choses que je t'ai dit. Et t'as sorti une vidéo. Ah oui, bah tiens, qui t'a conseillé des trucs où tu parles avec ta maman, que je trouve très intéressante. Ah, oh, c'est gentil. Voilà, merci, qui est très intéressante. Mère. Voilà. Meilleure mère sur Instagram, n'hésitez pas à la suivre. Voilà. À la follow. Et moi j'ai envie de demander quelle est l'actualité de Florent et Adrien. Bah ouais, c'est ce que j'ai dit. Bah en fait, on a pas du tout d'actu en commun. En fait, pour tout à fait. Bah non mais c'est pas vraiment. Non, c'est mon appart, doucement, d'accord. Moi, en fait, c'est ce que j'ai dit dans un précédent podcast, c'est que moi, l'année 2019 va être assez, je pense, morte, parce qu'en fait, j'écris énormément, et je pense que les projets sortiront soit fin 2019 au mieux, mais il y a quand même plus de chances si ça se fait que ce soit 2020, parce que c'est des projets qui mettent un peu de temps à être mûris, mais après on sait jamais à quoi l'année va ressembler, tu vois. Mais en tout cas, pour les trucs que j'ai commencé maintenant, ce sera pas tout de suite, donc ce qui signifie plutôt pas mal de floodcast normalement. Est-ce qu'on peut parler d'un Groom saison 2 ou pas? Non. Non, on sait rien pas. Voilà. Pour le moment, on n'en sait rien. Ouais. Franchement, on n'en sait rien. Okay. On réécoutera tes chansons paillardes. Ah, si ça marche, je sortirai peut-être un petit album, ça je te le cache pas. Et Adrien? Bah, moi aussi, a priori, une année 2019 plutôt morte, mais parce que j'ai rien. Donc... non, mais peut-être des suites de projets, mais c'est encore. Des projets où? Trop tôt. Quoi? Je peux pas trop. Enfin, si, en fait, je peux dire Phantom Force peut-être. Mon voisin, c'est trop tôt. Ouais. Phantom Force, un des meilleurs là, trucs que c'est j'ai trop vu. Tôt. Un des meilleurs trucs que j'ai vu cette année, Phantom Force. Déjà, non, tu l'as vu. Tu disais Phantom Fred. Ouais, c'est vrai. Voilà. Bah, c'est pas le même délire, mais. Merci beaucoup. Mais tu l'as vu. Bah oui, il est pas sorti sur YouTube encore. Il est sorti juste sur Canal. Ah bah pour le coup, oui, ça on parlait des replays qui cassent les couilles. J'en suis le premier mari. En fait, je l'ai vu parce qu'on a un ami en commun qui s'appelle Aslak. Bien sûr. Qu'on embrasse. Qu'on embrasse et qui est aussi très ami avec Jérôme. Ah, il avait le lien donc. Bah oui, et du coup, c'est lui qui m'en a parlé et qui m'a dit ouais, à mon avis, tu as bien kiffé ça, etc. Parce que c'est un peu à l'ancienne, machin et tout. En fait, on m'a assimilé un mec à l'ancienne. Et ça fait de la peine. T'inquiète pas. Et en fait, t'as un blouson, L'Arme Fatale 2, t'es un mec à l'ancienne, totalement. Ouais. Et en fait, j'ai trouvé ça bien parce que, en plus d'être drôle, ça se veut un peu sérieux comme si c'était un réel épisode. Et c'était l'idée. C'était pas de faire une parodie. L'idée, c'était d'en faire une série aussi, un peu fat. C'était pas vraiment l'idée, mais c'était, bon, si jamais il y a l'opportunité, tant mieux. Et peut-être, on va voir. Il y aura peut-être quelques épisodes de plus, mais pas sûr. Et surtout, il y avait un travail de doublage qui était vraiment marrant. Ouais, ça c'est on a vraiment qui était taffé, hein, là de ouf. Hein. Enfin, vous êtes cassé le cul pour ce truc-là. Ouais, carrément. Et on a hâte que ça sorte sur YouTube, mais ce sera en mai 2019. Ah, c'est pas encore sorti sur YouTube. Non, c'est vraiment sur Canal Plus. Moi, je l'ai vu sur Canal en direct. C'est le premier soir, je l'ai vu. Ah bah putain. Cool. Ah, là, quoi, il y en a trois qui sont sortis. Il y en a trois. C'est quoi des photos? Non. De carte blanche. Ah non, il y a des gens qui ont vu le truc. Non, il y a Nathalie sur YouTube. Sur YouTube pour le moment, on en a trois. Il y a Gilles Pédis de Kemar. Malard de Ludovic. Et Glandine de Nathalie. C'est vrai que ça, c'est une petite actu que j'ai. J'ai sorti le documentaire sur Glandine que j'ai. C'était très drôle. Ah, merci beaucoup. Que j'ai écrit et réalisé. Voilà, adapté du personnage de Nathalie, même si elle aime pas qu'on dise que c'est un personnage, parce que pour elle a rien à voir avec cette meuf. Oui, elle est folle quoi. Tu n'es pas Jim Carrey. mais tu rigoles, mais on voulait faire la blague à la Jim Carrey. En fait, on voulait faire un faux making of où Natou se prend pour Eglandine vraiment, et donc du coup, c'est une galère parce qu'elle parle vraiment comme elle H24. Et on a failli devenir fou d'ailleurs avec cette voix sur 5 jours de tournage. Ouais, voilà. Mais J'en profite pour saluer Nathalie qui a fait un travail, je trouve, de malade sur ce truc, parce que c'est très dur de tenir un personnage aussi fantasque Sans que ce soit vraiment insupportable, relou, insupportable et même ridicule. Je trouve qu'elle tient bien le truc et je l'ai déjà fait à peu près à chaque prise, mais je la refélicite pour ça. Bah voilà, fin d'émission, j'ai envie de dire. Moi, juste le mot de la fin, je voulais dire que tu m'as oublié sur les recommandations culturelles. Oh putain, je voulais juste finir là-dessus. Je suis désolé, Adrien. C'est pas grave. Ça peut être une chouette. Non, mais attends, ça peut être. On fait pas les recommandations. Je l'ai oublié, j'assume. On va se quitter en chanson et je veux que tu m'accompagnes. Okay. Et tout le monde va m'accompagner. On va reprendre. Vous voulez quoi? On reprend la digue, le curé de cabaret ou la chanson J'ai le froc plein de merde? J'ai le froc plein de merde, c'était franchement, pas mal. Ouais, j'ai le froc plein de merde. Ouais. Ouais. Ouais. Et bien écoutez, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Ouais. Bonne fête d'année. Et on vous souhaite qu'elle ressemble à ça, votre. Voilà, et on se retrouve la semaine prochaine avec un spécial Spider-Man. Donc voilà. J'espère que vous serez là. Oui, Adrien ne sera pas là. Je vous embrasse, bisous tout le monde. C'est qui déjà l'original? Bruce Springsteen. Ah oui. On y va pour le cul plein de merde. J'ai le froc plein de merde. Plein de merde. Me casse pas les couilles. Là je les joue un peu Bruel. Ouais. J'ai le froc plein de merde. Plein de merde. Mais je veux tremper ma nouille. Oui, yeah, ma nouille. Avec les potes, je faisais la fête. Alors, s'il te plaît, fais pas cette tête. Je connais pas trop les paroles. Viens plutôt me branler la bite. La bite. Je vais pas me répéter. Fais ça vite. Oh oui, vite. Et là. J'ai le froc plein de merde. Me casse pas les couilles. Oh les couilles. J'ai le froc plein de merde. Merde. Mais je veux tremper ma nouille. Oui, je suis bien bourré. Mais me fais pas chier. Me fais pas chier. Parce que c'est déjà fait. Julien Clerc. Référence à la merde qui est dans mon pantalon. Référence à la merde qui est dans mon pantalon. J'ai le froc plein de merde. J'ai le froc plein de merde. J'ai le froc plein de merde. J'ai le froc plein de merde. J'ai le froc plein de merde. Georges Brassens. J'ai le froc plein de merde. Me casse pas les couilles. Me casse pas les couilles. J'ai le froc plein de merde. J'ai le froc plein de merde. Mais je veux tremper ma nouille. Avec les potes, je faisais la fête. Alors, s'il te plaît, fais pas cette tête. Viens plutôt me branler la bite. Branler la bite. Je vais pas me répéter. Fais ça vite. Joyeux Noël. Bravo. Bravo. Bravo.